êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à l'émission, Maxime Bilodeau nous parlera de disciplines sportives inusitées dans d'une foulée à l'autre. On aura les chroniques régulières de Jasmine Raymond-Drainville, Anne-Philippe Durocher et François Landry. Et on dira au revoir, tabarouette, à notre collègue et vétéran requin, François-Olivier Marchand. Bye-bye. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 21 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Ah! Comme flashback! Comment ça, donc? Je suis de retour pour la dernière émission. Ben oui. Ma dernière émission ici à Assemblage requis. Exactement, ça fait 5 semaines qu'on t'a pas vu. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, j'étais... Ben, je suis encore. Moi. en congé parental. Car, en fait, j'ai eu un nouveau bébé, hein? Oui, un deuxième. C'est comme ça, exactement. Et puis, écoute, je viens vous dire mes adieux ce matin. Tu passes l'émission avec nous? Oui, je passe l'émission exactement jusqu'à 9h. Je vais en profiter, en fait, tout au long de l'émission pour vous dire que je vais m'ennuyer. Oui, je pense que tout au long de l'émission, nous aussi, on va te dire qu'on va s'ennuyer de toi, François-Olivier. On a plein de choses qui vont tourner autour de toi aujourd'hui à Assemblage requis. Parmi nos chroniqueurs réguliers qu'on va avoir, je t'en parle, François, on va avoir Maxime Bilodeau. OK. Pour s'accoler d'une foulée à l'autre. Et cette semaine, on va s'attarder à 3 disciplines sportives inusitées, atypiques et, disons le même, quelque peu marginales. Il sera question, entre autres, de leurs enjeux, de leurs règles et de leurs demandes physiques et respectives. Leur culture et folklore seront également décortiqués et commentés avec humour, parce qu'on n'y échappe pas avec Maxime Bilodeau. Hein. Curieux de savoir quelles sont ces disciplines. Ben, pour le découvrir, c'est d'une foulée à l'autre à 7h30. OK, génial. Ouais. Ensuite de ça, à 8h, on aura évidemment la chronique UQTR en spectacle 2013 avec Karina Tardy. Et aujourd'hui, notre participant, si je peux me fier aux belles jolies feuilles que je suis en train de déchapper derrière de l'ordinateur. Donc, on est quoi? On est jeudi aujourd'hui? Ouais. On va ça jeudi 21 février. On va voir Jean-François Veilleux, qu'on connaît bien. OK. Du Zone Campus. Et Daniel H. Dugas, musique, percussion et violon. OK. Bon, à 8h, on va accueillir... Jean-François Veilleux, lui, c'est quoi? C'est... Son instrument? Son instrument. Je sais pas si ça va être le violon. Acapella, ou... Ouais, violon. Ben oui. Jupige! Hey! Jean-Philippe Charbonneau, co-animateur de l'émission, qui arrive après le gars qu'on a comme invité aujourd'hui. Ça oui. va? Ah oui, ça va. J'ai une pas pire anecdote après pour toi. J'aime ça. Ben, Colin. Moi, j'aime ça, les anecdotes. Ah oui. Jean-Philippe a les pires anecdotes dans le sens qu'il en arrive des affaires à lui. Oui. Tout peut arriver. C'est pas un chanceux dans la vie, je pense. Non, mais c'est toujours cocasse. C'est jamais grave. Ben, ça met du piquant. Ouais, ben, c'est ça l'important aussi. Là. Ouais. Dans ta vie, on vit. On vit tes malheurs. Allez, toi. Donc, après la chronique UQTR en spectacle, on aura Jasmine Raymond-Drainville, la chronique de l'OG UQTR, okay. L'index d'Anne-Julie du Rocher, okay. Et François Landry avec Logocratie 101. On parle de politique ce matin. Ben, politique, je sais pas s'il va dévier un petit peu de son sujet parce que son titre est Un au revoir logocratique à FO. Ah ouais, pas vrai? Wow. Crime, je suis choyé. François Landry, ben, wow. Je pense que oui, moi. J'ai pas de mots. Je suis sans mots ce matin. Et plein d'autres surprises, des choses qu'on ne dit pas, qui auront lieu à travers l'émission d'aujourd'hui à Assemblage requis. Faites-moi pas pleurer, là. Bon, là, on sait pas, t'es insensible. Hein? c'est ça, moi, personnellement, je fais rien aujourd'hui. Pas de chronique, rien, parce qu'on perdra pas de temps avec des niaiseries. Hein? Tu sais, c'est plate, perdre du temps avec des niaiseries. On se le fait dire tout le temps, hey, toutes tes niaiseries. Hein? Bon, moi ou d'autres. On va commencer avec la musique de Bears of Legend. Il y a une nouvelle entrée sur le palmarès anglophone, les amis. On adore ce groupe local, Bears of Legend. Pourquoi ne pas entendre Let Me Be? Laissez-moi vivre, bâtard! Hein, c'est ça que François dirait, genre, laissez-moi vivre. Laisse-moi dormir. Ah, un petit peu plus que d'habitude, ouais. J'espère pour toi. On va parler justement de ton futur plus tard. Et pour l'instant, Bears of Legend, sur C'est fou, dans vos oreilles. L'oreille d'ours. Wow! Là, j'ai mis des oreilles de... Wow, ça, c'est les oreilles de l'ours qui se lèvent. Laisse-le donc faire, il est de bonheur. Let me believe, let me curl my hair, let me be the man. some mistakes on the way. Would you let me tell my stories of courage with no fear? Let me be a choir to extend my voice, a tower to be tall for. Thank you. Le deuxième extrait de l'album... Pardon, on dirait que ça a comme remonté. No. Le deuxième extrait de l'album Good Morning Motherland de Bears of Legend, c'était Let Me Be. Avant ça, on se rappelle qu'on avait eu The Mornings I've Let You Down, qu'on a adoré. Donc, c'était l'assemblage requis. Jean-Philippe Charbonneau qui est là. Officiellement. Officiellement, là, pour vrai. Salut. Il est arrivé. Ouais. Et François-Olivier Marchand, notre invité du jour, si on veut. Hein. Oui. Il vient animer l'émission avec nous, mais en même temps, c'est comme notre invité. Je me sens un invité, là. Je me sens comme un invité. C'est bizarre. Ça fait bizarre de passer d'une position à une autre. Hein. Je suis content de vous voir ce matin. Je m'ennuyais de vos faces un peu le matin. Nous aussi, peut-être moins de chiolage du côté de ma part, mettons, peut-être pas. Ah, juste de ta face. Juste ma face. Juste ça. Mon corps. Pas ta voix. Non rien. Non. Il y a pas mon corps. François, il dit qu'il avait hâte de nous voir la face du matin, mais ses yeux sont encore collés. Oh, je sais pas comment pour nous voir. Ben, une chance, il y a encore son pot maçon de chocolat chaud. Hey, écoute, j'ai arrêté. T'as vraiment arrêté? Ben, j'ai arrêté. En fait, je m'en sers plus. Okay. Je me suis dit ce matin, je viens ensemble à Jerky, j'ai comme pas le choix de me faire un chocolat chaud. Ta vie est bizarre. Dans mon petit pot maçon. Mais est-ce que tu continuais de boire du chocolat chaud le matin juste dans une tasse? Hein? Non, même pas. Non. Non. T'as complètement lâché tes bonnes habitudes? Ouais. Mais comment tu vas faire avec ton système digestif tout de suite? Ben, je sais pas, je vais peut-être aller aux toilettes tantôt. L'avenir nous dira. Je te rappelle, pavillon des Rebauchemins, les toilettes sont en construction, eh oui! À la bonne porte. Oui, on est rendu dans les toilettes des dames. Oui, où tu peux acheter des napkins. Napkins, oui. Des vagkins. sinon, François, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les 5 semaines, depuis que t'es pas là. C'est pas par ta faute et tes vues quand même aller parce que t'es ici une fois de temps en temps. Là, tu seras plus jamais là parce qu'on peut le dire. Je serai plus jamais là, c'est ça, exactement. C'est pour ça que t'es ici. Je m'en vais vendredi, en fait demain, ma dernière journée, en tant que directeur général de C'est fou du journal Zone Campus. Du GME, exactement. Et puis, écoute, je m'en vais affronter un nouveau défi. Oui. J'ai eu un poste, en fait, de directeur général dans un CPE. Écoute, c'est un peu loin dans le coin d'Odanak, mais beau défi. Écoute, je pense que j'améliore mon sort, là. En fait, l'idée, c'était un peu ça aussi. Oui, t'as une grande famille maintenant, 2 enfants. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, avec les enfants, je sais comment ça marche. Ouais, c'est ça. Je sais comment changer des cours. Ouais, 2, c'était pas assez. je m'en vais avec 36. C'est ça, mais tu vas pas gérer, tu vas pas t'occuper des enfants, tu vas être le DG là-bas. Donc, tu vas chapeauter les employés là-bas, je m'en vais. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, là, les employés, les éducatrices, en fait, il y a une cuisinière aussi. Il y a quelqu'un qui fait l'entretien aussi. Mais ce que j'ai compris, parce que en fait, j'ai pas commencé encore. Vous l'avez compris. C'est lundi. Lundi, exactement. Okay. En fait, le 25. C'est que s'il se passe quelque chose, ça se peut que je sois appelé à prendre un groupe pour une petite période de temps. Donc, en fait, là, ça va être ça va être un beau défi là. Ouais. Est-ce que ça soit par terre et puis come on, on colore, je sais pas. Ouais, on fait du bricolage, des copites. Je vais essayer de me trouver des activités faciles à faire là. Tu sais, des enfants de quel âge? Ben, écoute, ça part de zéro. C'est exactement sur une vente de la mère. Ouais. Il y a le papa, puisqu'il y a des projets. Ça part à moins 2. Puis jusqu'à environ 5 ans. OK. Jusqu'à temps qu'il rentre à la garderie. En fait, tes enfants, toi, ont... En fait, j'en ai un, il y a de 2 ans. Et puis l'autre a 2 mois et demi. OK. Donc, ouais. Tu connais ça. Fait que, ouais, c'est ça. Écoute, beau défi, j'ai hâte. J'ai hâte. On va voir ce que l'avenir. Malgré que je suis quand même stressé. Tu sais, dans le sens où, écoute, ça fait longtemps que je suis ici. Je vous connais. Je connais, en fait, des gens à l'université. T'es confortable. Je suis confortable, c'est ça, exactement. Donc, en fait, je sors un peu de ma zone de confort. Juste le temps de m'habituer. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Ouais, mais, t'as l'air heureux. T'as l'air... Ouais, je suis confiant, exactement. Écoute, je suis pas... En même temps, j'ai un peu de peine de partir, mais bon, écoute... Colin, prendre une chronique à son âge requis. J'allais tellement dire ça. On se comprend. Mais écoute, c'est excessivement de bonheur et c'est 45 minutes d'auto. Donc écoute, je pense que je vais partir vers téléphone. Le bulletin routier de François-Olivier à Danac. Oh, il y a une police. Ah! Je suis dehors des boys. Toi qui aimes ça parler de météo, hein, aussi. Bon. Hey, je vous appellerai de temps en temps. Ben, c'est ça. OK, parfait. On va parler avec François-Olivier tout le long de l'émission. On va rappeler évidemment à ceux qui vont se joindre à nous, les chroniqueurs tantôt aussi, où tu t'en vas. Puis tout ça. Par contre, tout le reste de l'émission, on va aussi entendre la musique que tu nous suggères et tu m'as préparé une petite pile. On commence avec. Tu te rends compte, t'as-tu remarqué? Voyons, tout au même fin avec les gars-là, toi. Hey, ils connaissent ça. C'est comme s'ils avaient animé cette émission-là pendant 3 ans, à peu près. Et d'ailleurs, là, c'est une chose qui va me rester toute ma vie. depuis en fait que je travaille assez fou, avant j'avais de la misère à écouter des pièces francophones. Et puis là c'est vraiment, écoute, c'est naturel, c'est bon ce qu'on fait ici. Là, c'est, donnez-vous la chance. Écoutez un peu. Tout à fait. Ça va venir. Ailleurs, là, la musique n'est pas vraiment meilleure. Non. C'est qu'il la joue tellement souvent que tu t'habitues. C'est ça exactement. Et une bonne émission d'ailleurs pour écouter, c'est les Palmarès. Ben oui. Ça vous donne une bonne idée aussi. Là. Peu importe qui l'anime. Animé d'une main de maître. C'est le top 40. Ça va. Chantal Archambault. Chantal Archambault, je l'adore. Voici les détours, je te l'offre juste pour toi. Après, tu vas faire un petit détour sur la route. Un pas pire détour, je pense. Chantal Archambault, c'est sur le CD Les Élans. C'est quoi le cri d'un élan, là, on le rappelle déjà? C'est. C'est comme l'âne d'Orval. L'âne d'Orval puis l'élan, pas mal la même chose. Non? Mm-hmm. C'est ressemble. Donc, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau, Mathieu Plante et notre invité spécial François-Olivier Marchand. Salut! Qui fait la sélection musicale. Je suis content d'être là. Je l'ai dit tantôt, je vais leur dire tout au long de l'émission. On va se redonder pas mal toute l'émission aujourd'hui parce qu'on va, on n'arrêtera pas de complimenter François Olivier, puis lui va nous complimenter. On a quand même des choses à parler, là. Oui, vraiment, ça sent bien. Évidemment, le contenu est après 7h30 parce que personne ne va se lever avant nous autres. Hein? Mmh. Bon. Sauf les déneigeurs. Comment? Sauf les déneigeurs. Les déneigeurs. Vous autres, ils vont dormir bien, hein? Non. Non, mais ben, Jean-Philippe non plus n'a pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai entendu ça. Bon, il y a des vous dire. 4h30? Ouais, 4h30. Ouais. Debout à 6h. T'as un gros rapport de quelque chose à remettre? Ah, j'arrêtais pas de roter. Ben, c'est ça. J'allais faire le lien entre toi et François-Olivier. Toi, tu faisais des rapports, puis il va faire des rapports. Ben, ça a tombé à plat à cause de toi. Mange donc. Ouais, c'est correct pour une fois que ça va dans ce sens-là. C'est ça. C'est à moi. C'est toi qui me coupe l'herbe sur le pied. Exactement. Donc, François-Olivier, tu nous as promis bien des choses à travers les années des chroniques que tu n'as jamais fait finalement. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as envie de faire une chronique de François-Olivier? Oui. Écoute, tu me prends un peu de cours. J'avoue que les idées, j'en ai pas tant. Je pensais à me dire, genre, mettre des fausses choses sur ton CV pour avoir un job dans un CPE, mais ça, c'est pas vrai du tout. Hey, j'ai pas fait ben ça. Ben non! Va pas dire. La chronique de François-Olivier. Tu perds ma job. Ben oui, c'est déjà fait. Tu vas revenir animer avec moi, c'est ça? À toi. À toi. Ben oui. Ouais. Ben c'est des fois c'est mal vu à trois. Hein. Oh. On a vu ça dans les chroniques. Trois gars. Ouais. Trois gars sur le sofa, mais en train de faire des affaires kinky. Mm-hmm. Mm-hmm. Trois gars dans le studio. C'est ça. Donc sinon, tu avais promis une chronique de cross, ça va, ok. T'avais promis de parler de Tupperware. Ben, oui. J'avais pas promis. Ça, c'est comme ta copine qui avait insisté. Un peu, pour... hein? Ouais, non. Elle n'a jamais fait de chronique, elle n'ont plus. Non, c'est ça. Puis écoute, Tupperware, je suis pas. Écoute, j'ai des plats Tupperware, je les aime bien. Oui. Puis en fait. C'est frais. Mais c'est frais. Comme disent les jeunes. Écoute, t'as pas de fuite. Ça paraît que ça va dans un CPE. Hein? C'est ça. Pas de fuite. Pas de fuite. C'est parfait. T'as droit à ton petit collet. Pas de fuite aujourd'hui. C'est bon. Le liquide bleu qui sort de partout. Comment ça se fait que c'est bleu? Tu peux pas le mettre jaune. Ce serait trop laid. Ben, jaune, c'est déjà un peu jaune. Non, mais tu sais, dans les annonces de couches, ouais, il y a des bleus. Ouais. C'est pas crédible. Je sais pas pourquoi. Ben non, c'est bizarre. Que ça paraisse. Ouais. Maxime Bilodo s'en vient dans quelques minutes avec ses chroniques d'une foulée à l'autre. Pour l'instant, on continue les choix musicaux de François-Olivier avec du carré moellette. Génial. Voici Fox. C'est fou. Dans vos oreilles. Tu présentes pas la station? Ouais. Tu veux plus t'associer à ça? Hein? Non, okay. Non plus. Puis dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi? Les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ah, donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Ah, je ne suis plus comme les autres. Ah, le sais-tu pas? Donne-moi ta rose de temps. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ours, en train de boire à la source, j'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-goutte. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi? Tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ah, donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Ah, je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en va pas. Oh, La pièce Fox, Carré Molette. J'aurais pu la laisser présenter à François-Olivier, mais il veut pas. Je m'en ai à faire ça, là. Tu m'en Tu mettais tes écouteurs tranquillement, puis tu serais arrivé à la fin, ou ça faisait un petit silence, ou en faisant glou, glou, glou, glou, glou, silence complet, et là, Carré Molette, avec la pièce Fox. Il est bon, hein, en fait. Pendant 3 secondes, là, mettons, si j'avais fermé les yeux, j'étais sûr que Carré Molette était là. Parce qu'il a vraiment fait Carré Molette. En le pointant. Toi, oui. Carré Molette, je t'accuse. Ouais. Plus tard dans l'émission, là, on stalle un peu en ce début d'émission. Je sais qu'on n'arrête pas de parler pour rien dire, mais on a plein de monde de stallé ce matin, hein, d'ailleurs. C'est ça, ben, on veut. Avec la température, là. Je pense que JP aussi est un peu stallé. Ouais. Mais moi, c'est entre une auto puis le vide. Je vais en parler plus tard. Entre ici et demain. Ben, je peux en parler tout de suite. Veux-tu parler tout de suite? On a du temps. Ben, je peux me vider le cœur. Ça pourrait être une chronique Vide-moi le cœur. Au lieu de tu manges mon cœur. Oui. Ben oui. Oui. Donc, ce matin, ça, je suis arrivé, comme vous avez pu voir, 2 minutes à late. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai un stationnement dans mon bloc. Et puis, bon, il a neigé, on n'avait pas le droit de se stationner dans la rue, évidemment, cette nuit. Et puis, oh, tout le monde, évidemment, le stationnement regorge d'autos, puisque tout le monde a 2 autos par C'est ça, c'est ça aussi. C'est normal, là, dans les couples, c'est pas tout le monde qui travaille en même temps. Puis... Non, c'est ça. Puis là, on savait pas quoi faire du bateau. Non, bref, il y avait 2 autos. Et puis, ma copine, elle sait que je pars avant elle le matin. Et puis, au lieu de se stationner derrière moi, parce qu'elle s'est dit, ah, ben, pauvre petit, il va falloir qu'il parte demain matin. Je vais pas lui faire déneiger mon char plus son char pour qu'il tasse mon char. Donc, elle a été super gentille. Elle m'a laissé 1 mètre de jeu. Et puis, un mètre, c'est pas beaucoup, hein? Non, c'est ça. Puis en avant, je pouvais pas déroger beaucoup parce qu'il y a des poteaux puis de la glace. Puis à gauche, ben, il y a une autre auto. Fait que ça. Ben, c'est ça. Désolé pour ton pare-choc qui a pété. Et là, ça t'apprendra. Il dit ça en onde. Peut-être que le gars, il écoute à ma peine. Oh, c'est pas grave, là. Non, mais c'est sa blonde. C'est ma blonde. C'est l'auto de sa blonde. Ah, c'est l'auto de sa blonde. Ok, je pense que c'est l'auto de quelqu'un d'autre. Non, j'ai mis reculons, puis là, j'ai poussé l'auto. Ok. Ben, on est sérieux? Non. C'est la magie de la radio. Waouh, on lui en parle tantôt. Je te croyais, là. Non, mais j'ai vu la neige un peu s'affaisser. Fait que je sais que je l'ai accroché un petit peu. Ça mais bougeait un peu. Tu sais, rien pour l'abîmer, là, non. Vraiment. Là. Mais tosse ton char! Ouais, c'est ça. Okay. Hey, t'avais pas les clés, non? Ouais, ben il aurait fallu que je remonte en haut. Là. Paresseux, hein? Mais là, je serais arrivé probablement 5 minutes en retard. Ben, peut-être pas, finalement, là, parce que ça a été assez long. Tu sais, t'avances de 30 cm, tu recules de 30 cm en crampant tes roues. Ouais, exact. Ouais, puis en tout cas, c'était une belle histoire, hein? Des fois. Hey, j'ai hâte d'avoir un char maintenant. Là. Ouais. Ça te donne le goût, hein? Tout le monde m'encourage tellement avec cette histoire-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est juste ça qui est arrivé. Puis je trouvais pas ma gratte aussi. Ta gratte, ton balai, non? Ouais, non, mais j'ai un balai, sauf que j'ai pété l'autre en bout, le petit bout. Parce que les hivers sont rudes à Trois-Rivières. Okay. Donc, c'est ça. Fait que j'ai acheté un autre petit manche. J'ai acheté un petit manche. Ouais. Et tu t'en sers du petit manche? Oui, régulièrement. Ok, bon. Régulièrement. Ça aussi, on en parlera à ta blonde tantôt. Oui. Bon temps, mauvais temps, on peut sortir le manche. D'accord. On prend une pause, on revient. Maxime Bilodeau est là, je l'ai vu. Ça connaît d'une foulée à l'autre dans quelques minutes. Restez là. Avec Karim Ouellet. Ah, c'est toi! Oh, je le reconnais. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais il rajoute de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. On peut plus le mettre, celle-là, tu sais. Moi, je suis le petit lait qui reste. Le petit lait. Jean-Philippe, le petit lait qui reste dans le fond. Qu'on boit. Oui, puis qui est full sucré, puis qui est bon. C'est ça, mais ça, hein? Je nous regardais, là, puis on avait tout le gros sourire en entendant là. On était comme... Yeah! Dernière fois qu'on peut le faire jouer. Yeah! Yes! Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Certes. Mathieu Plante, ça c'est moi. Notre invité spécial est François-Olivier Marchand. Salut! Oui. Salut! Invité spécial qui l'a comme animé pendant je sais pas combien de temps. Oui, aussi. Ben pendant 3 ans. Ben, aujourd'hui, je suis comme un invité. Là. Ok. On va lui rendre hommage tout le long de l'émission. Il exige un café. Un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Dans un pot maçon. Ouais. Excuse-moi. On se comprend. C'est ma première fois. Excuse-moi. On n'a jamais vraiment fait de radio, nous trois, là, non. Non, c'est ça. Fait que... C'est normal que ce soit comme boboche. Non. Je vais aller aux toilettes. Maxime Bilodo est avec nous. Lui, c'est le chroniqueur de 7h30 tous les jeudis. Oui, oui, oui. Ça va? Ça va très bien. Vous-même, messieurs? Très bien, très bien. Bon, on a l'air en forme. Content de te voir ce matin. Oui, oui, moi aussi. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Oui. Tu me manquais. Oh, tu vas me manquer la semaine prochaine, puis la semaine d'après, puis l'autre semaine d'après encore. Hey, les gars, écartiez les jambes pour enjamber. Ben, c'est d'une foulée à l'autre. D'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodo. Bon matin. Bon matin, Mathieu. Bon matin, Mathieu. Bon matin. Bonsoir. Bon matin. Bon matin. C'est cordial. J'aime ça. Politesse, mesdames et messieurs, monsieur le président. Ça se perd. On parle de sport inusité aujourd'hui. Oui, on parle de sport inusité, de discipline inusitée, un peu atypique, un peu même bizarre sur les bords, je dirais. Freak. Un peu freak. Ben, pas freak. Freak, c'est un peu méchant, mais un peu. Un peu étrange. Là. Okay. Puis j'entendais ce matin où que tu vas travailler, tu vas peut-être être appelé à prendre en charge. En fait, là, si arrive quelque chose. Et François-Olivier va être DG d'un CPE pour ceux qui ne suivaient pas à la maison. Donc, et voilà, donc des enfants et tu vas peut-être avoir des activités à leur faire faire. Ouais, alors là, je me suis dit, j'ai entendu ça puis je vais prendre la balle au bon. Trois activités qui sont inusitées, atypiques et étranges que tu pourrais leur faire faire. Okay, donc, parfait. C'est des suggestions, prends-le de même. J'en prends bonne note. Donc, de quoi parlons-nous? En fait, c'est trois disciplines. Comme je vous disais, la première, c'est la course en escalier. C'est un peu la moins bizarre des trois. Mais course en escalier, il faut être un peu maso. Je vous reviens là-dessus dans quelques secondes. Le wushu. On dirait un plat asiatique chez Cambodiana. Effectivement, c'est asiatique. T'as partie de la réponse. C'est pas de la bouffe. Là. En fait, le wushu, ça désigne tous les arts martiaux chinois traditionnels. Okay. Donc, j'en reparle également. Et le dernier, mon préféré, l'alimentation sportive. L'alimentation sportive. Oui, et voilà, dans la fond, c'est tout ce que vous imaginez, soit un concours de calage de bouffe. C'est un sport. Pour des enfants. Parfait, c'est ça. Oui, voilà, c'est des bonnes habitudes à inculquer. Tu peux en prendre un puis laisse-en. Ouais. Donc, qu'est-ce que je veux dire par discipline étrange? Ben, en fait, c'est juste de. Par rapport au nombre de participants, tu sais, on regarde autour de nous, puis je pensais que vous connaissez grand monde qui font de la course en escalier, qui font du wushu ou qui font du concours de calage de bouffe, de l'alimentation sportive. Donc, calage de bouffe, Mathieu serait pas pire. Hey, il est épine à matin. Mais oui. Ah ouais, je vais vous dire pourquoi il est pas pire. Okay. J'ai parlé de ton estomac flasque dans tout. Flasque. Waouh, là, je pourrais t'offusquer facilement. Un beau compliment, matin. Hein? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, t'as raison. C'est bon. Donc, et voilà, dans le fond, tout ce que je veux dire par là, je vais en faire ces personnes simplement dire que c'est une affaire de culture. Donc, et voilà, je me lance. Course en escalier. Donc, à la place de vous faire un long synopsis, vous expliquer en quoi ça consiste et tout, je vais vous faire une belle mise en situation. Alors, on s'imagine, on ferme les yeux, on fait de la visualisation. Je fais de la harpe ici. Donc, nous sommes à New York. Nous sommes dans le hall du Empire State Building. Wow! Empire State Building, gros bâtiment de 443 mètres avec l'antenne en haut. Donc, il y a une ligne de départ. Vous êtes c'est plein de monde. Puis, vous êtes à peu près une quarantaine à la ligne de départ. Ces lignes de départ-là se situent à 10 mètres d'une porte. La porte... grandeur standard. Donc, et ben, tu sais, tu peux pas passer. Tu peux passer deux si tu te forces. Ouais, c'est ça. Deux adultes, on sait pas. Hey boy. Et voilà. Donc, vous êtes une trentaine. Alors là, vous êtes une ligne de départ. Et derrière la porte, il y a une cage d'escalier qui monte jusqu'au 86e étage, qui est l'observatoire du Empire State Building. Donc, 1576 marches, 86 étages, comme je vous ai dit. Et le but, c'est simplement de se rendre le plus vite possible en haut. Les meilleurs vont faire ça en 10 à 12 minutes. Donc, okay, c'est bon. C'est crissement rapide. Ils redescendent pas, là. Ils redescendent pas. Il faut juste monter vers le sommet. En fait, vous devinez, c'est une discipline très souffrante. Et eux-mêmes, ils désignent une sorte de code entre eux qui s'appelle la toux du coureur. La toux du coureur d'escalier. Qu'est-ce que la toux du coureur d'escalier? C'est simplement que rendu en haut, tu craches ton poumon parce que c'est super souffrant. Deux, trois étages, c'est difficile, imagine ça. Et voilà. Donc, bien sûr, il est interdit d'utiliser l'ascenseur qui est juste à côté des escaliers. Il est fermé, il est condamné. Donc, le sport, dans le fond, il y a 156 compétitions répertoriées dans 25 pays de compétitions de course en escalier, principalement en Europe, en Asie, quelques-unes en Amérique également. Ils sont organisés dans des sites que je qualifierais de verticalement dantesques, des tours. Donc, exemple de tour, il y a la tour du CN à Toronto, qui a une compétition. Il y en a aussi. Ouais, et voilà. Okay. Centre mondial des finances à Shanghai également. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une tour assez massive aussi. Anciennement, finalement. Je pense qu'elle a pu lieu la course, malheureusement, mais à Montréal, à la Tour de la Bourse, il y avait une course qui montait le plus rapidement possible dans cette tour-là. Donc, il y a vraiment un circuit de ça. Il y a même un classement de Coupe du Monde derrière T'es sérieux? Oui. Donc, les gars, ils voyagent. Oui, et voilà. En fait, il y a un seul athlète dont je vais parler dans quelques instants qui vit vraiment de ce sport-là. Qui mais il y a vraiment. Sport. Oui, et voilà. Et avec des commanditaires. C'est assez bizarre, en soi. Donc, un classement avec des points. Il y a également un championnat du monde qui est un peu non officiel, qui est justement la course de l'Empire State Building. C'est comme le top des tops. C'est le Wrigley Field. C'est le. C'est le summum. C'est le summum du summum. Et il y a des championnats américains, européens, pour être justement champion un peu de ces continents-là. Donc, le monsieur dont je vous parlais quelques instants, il s'appelle monsieur Thomas Dold, c'est un Allemand, 28 ans. Il a été premier au classement de la Coupe du Monde en 2012. C'est justement, comme je disais, le seul et unique sportif qui vit de ses commandites, qui vit vraiment de ce sport-là. Okay. C'est une star en lui, c'est le numéro un. Ouais, voilà. C'est l'homme à battre. C'est l'homme à battre. C'est pas lui qui a les records comme tel, non? Mais il est fort. C'est le gars de l'heure. Je vais voir le cube Rubik, c'est ton micro. Oui. Ça me frappe. Excusez, petite parenthèse. Donc, il y a une science derrière la montée d'escalier. C'est peut-être pas aussi scientifique que puisse l'être le marathon, mais quand même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, les coureurs en escalier, ils montent les marches deux par deux, tout le temps. Un bon coureur en escalier monte tout simplement les marches deux par deux. Pour les genoux, c'est incroyable, ça, les cuisses. Et voilà, ça m'amène au prochain point. Les athlètes qui sont bons dans ce sport-là, c'est pas des athlètes, mettons, qui sont bons en athlétisme, aux 3000 mètres et tout, mais ce sont vraiment des athlètes qui ont des grosses cuisses, des gros troncs d'arbre. Donc, imaginez un cycliste sur piste. Je vous ai déjà vu un cycliste sur piste. C'est un jambon. Je suis pas capable de faire le tour avec mes mains même de ses jambes de massif. Le reste du corps est, tu sais, de standard. Très, mais standard. Ils n'utilisent pas le haut de leur corps, donc c'est vraiment... Ils sont rachitiques, c'est très drôle. Également, les skieurs de fond peuvent être très bons en course en escalier. Il y a également, les bons coureurs en escalier vont prendre des mesures des cages d'escalier. Donc, ils vont compter le nombre de marches pour s'assurer que c'est que leur séquence de montée est pair, impair et tout. Ouais. Ils vont calculer la hauteur des marches pour ajuster leur effort par rapport à ça. Ah ouais, t'es sûr? Ils vont vraiment calculer genre que 37 cm, puis rendus là, ils sont plus hauts, puis rendus là. Mais faut pas que ce soit comme à l'UQTR où les marches sont pas nécessairement toutes de la même hauteur. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Des fois, tu fais comme. Exactement. Il y a une section rajoutée, moi qui est mon département, activité physique, au 4e étage d'Albert Tessier, et puis il y a comme une section rajoutée, puis quand on arrive là, ben là, les marches sont toutes bizarres. C'est bizarre. Okay. Ton schéma moteur est tout fucké, là, tu t'en retrouves plus. Également, très important dans le montant d'escalier, c'est les départs. Je vous en parlais tantôt. Faut que tu passes la porte. Faut que tu passes la porte, puis naturellement, si t'es le premier dedans, t'as un avantage certain, parce que c'est très difficile à dépasser dans ces cages d'escalier-là. Ce qui fait que le départ est d'une violence, je dis, dirais excessive. Mais on les met comment, les gens, dès le départ? Est-ce qu'il y a des rangées? Une ligne droite. Pour les professionnels, c'est une ligne droite, ils sont une trentaine, et puis il y a 10 mètres, puis on sprint. Arrangez-vous. Est-ce que tout est permis? Il n'y a pas droit des coups? Coup de coude. Sur les vidéos que j'ai vues de départ, justement, parce que c'est très impressionnant, il y a du monde qui rentre dans les murs, même. Qui bang des murs, puis là ils tombent à terre, puis ils sont piétinés. Puis, c'est vraiment. Mais c'est comme un genre de Boxing Day, mais en sport. C'est complètement fou. C'est tous des petits coureurs en short et tout, dans le coureur classique. Sauf qu'au début, c'est comme. Ils se donnent des coups de coude, ils sont là avec leurs bras, puis c'est vraiment, mais vraiment drôle. Les madames qui se magasinent des TV chez Walmart pourraient participer à ce sport-là. C'est le Boxing Day de la course. Et puis, bon, vous imaginez d'être passé dans les escaliers. Pour dépasser, il faut que tu joues du coude en tabarouette. Peux-tu tirer ses jambes? Je sais pas. Descendre ses boxeurs? Je sais pas, mais ça serait là d'avoir une caméra comme dans les cages d'escalier qui suit le monde. Une GoPro sur chaque. Bonne idée. Donc, au Québec, qu'est-ce qu'il y en est de ce sport-là? Comme je disais, il y avait une compétition d'antan à Montréal. Malheureusement, je pense plus qu'il ait lieu. Par contre, à Québec, il y a une compétition qui, elle, est très atypique. Je pense que c'est la seule au monde qui est de même. On l'appelle le défi des escaliers. Puis c'est une course de 16 km qui se déroule dans le Vieux-Québec. Monter des escaliers. En basse ville, haute ville. Donc, on monte et on baisse les escaliers dans un circuit. Et elle a lieu au mois de juin. Je vais vous en reparler peut-être un jour parce que j'aimerais bien la faire suite à ma recherche en juin prochain. Moi-même étant un athlète, donc... François Olivier, si tu veux initier tes kiddos à la course en escalier. Pourquoi pas? Peut-être, écoute. À moins que tu préfères le wushu, dont je vais vous parler dans quelques. Tout de suite, en fait. Donc, wushu, comme je disais tantôt, c'est les arts martiaux chinois. C'est vraiment tous les arts martiaux chinois. Comment t'écris ça, wushu? W-U-S-H-U. Okay. Wushu. Wouchou. On dirait comme une partie de sport quelconque. Wouhou! Puis l'autre, c'est chouhou. Wouchou! Wouchou! Moi, j'ai fait ça tantôt en éternuant. Wouchou! En fait, le wouchou, nous, on le connaît mieux sous le terme kung-fu. Même si c'est pas approprié de dire kung-fu, c'est, on le connaît très bien sous le terme kung-fu. Tu vois? J'aurais pu, avant que tu parles de wouchou, jouer Step by Step au Baby, des New Kids on the Block, parce qu'on parlait de marche. Puis là, je pourrais faire jouer Everybody Was Kung-Fu Fighting. Après ça, toute ta liste musicale est faite pour le reste de l'émission. François? Oh, c'est parfait. Approuvé? Oh, ouais. François approved. Donc, rien ne vaut une image. Dans le fond, on connaît tous le wushu parce que c'est très présent dans notre culture populaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est dans des films comme Tigre et Dragon, je pense que vous connaissez. Ben oui. Dans Héros, un autre film qui est sorti en 2002, qui est un peu dans le même style. Kung Fu Panda, sûrement. Non? Celle-là, je l'ai vue. Oui, tu vas le voir souvent, je pense. Donc, c'est ça, dans les grandes productions. Le Cirque du Soleil, un spectacle à grand déploiement qui s'appelle K. Qui est encore présenté à Las Vegas, qui est inspiré du wushu. Des jeux vidéo pour les plus geeks de nos auditeurs. Dynasty Warriors, c'en est. Mortal Kombat, également. Sans l'arrachage de tête puis le gore. Là, malheureusement. En fait, c'est y a beaucoup d'acteurs également qui le pratiquent. Donc, Bruce Lee, qu'on connaît, Jet Li, Jackie Chan. Donc, wushu, on connaît plus qu'on peut bien le penser. Donc, une définition claire, comme je disais, ça englobe tous les arts martiaux et il y a plusieurs styles dans le wushu. En fait, le wushu, c'est, comme je dis, ça désigne plein d'arts martiaux, mais il faut savoir qu'en Chine, ben, dépendamment des régions, des provinces, des armes, des ci et ça. Ça peut varier. Ça peut varier. Parce que dans le wushu, ce qui est très important aussi, c'est qu'on utilise des armes. OK? Donc, c'est violent. C'est violent, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de wushu. Il y a un type qui est. Derrière ma feuille. Dans les airs. Il est vraiment là, il est là. Donc, il y a un style qui est plus artistique, on appelle le Taolu. Ça, c'est vraiment des chorégraphies. Dans les airs. Dans les airs, voilà, très démonstratives, des chorégraphies d'à peu près 1 minute 30. C'est très, très impressionnant à voir. C'est vraiment très en coordination, en explosivité, en souplesse. C'est très beau de les voir aller. Avec justement des armes, comme je disais, donc des lances, des armes, des épées, des doubles sabres, etc. Vraiment, même des halbardes. C'est très, très varié. Et c'est des poses, des coups de pied, des sauts, des balayages. Donc, encore là, c'est très complexe. Et le deuxième style, qui est le Sanda. Ça, c'est vraiment juste du combat. Donc, ça peut ressembler à du kickboxing, mélangé avec du taekwondo, mélangé avec d'autres disciplines qu'on connaît de combat. Donc, c'est vraiment les deux styles de wushu qui existent. L'histoire de wushu, comme je disais, c'est que ça vient c'est plusieurs styles qui ont été amalgamés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au milieu du siècle dernier, les autorités chinoises ont toutes unifié ça sur un style et ils ont même fait des écoles avec ça. Ils ont vraiment structuré la tradition. Et puis, en Chine, c'est possible d'être diplômé en wushu, de faire l'équivalent d'un baccalauréat en wushu. Pour après ça, être professeur, j'imagine? Après ça, être professeur. D'ailleurs, je me suis entretenu cette semaine pour un papier que je suis en train d'écrire pour le Zone Campus. Oui, le journal des étudiants de l'UQTR. Le journal des étudiants de l'UQTR, dans lequel je chronique avec une foulée à l'autre également. Donc, je me suis entretenu avec un Québécois qui s'appelle Monsieur Yannick Benoît, dans le fond, qui est établi à Drummondville. Et lui, Monsieur Yannick Benoît, a étudié en Chine et est vraiment, un bachelier en wushu en Chine à l'Institut des sports de Beijing. Un bachelier, comment on l'appelle? Et voilà. C'est très bon. Donc, il est bachelier, il a ouvert son institut ici au Québec. Il est établi dans la région de Drummondville, comme je vous disais. Et puis... ça, j'imagine que c'est plus combat arts martiaux mix, qui vont le voir, peut-être? Lui, je pense qu'il se spécialise surtout dans le Taolu, donc la forme artistique, chorégraphie et tout. Et puis voilà pour la chose. En fait, c'est très inspirant parce qu'on trouve plusieurs... Quand je disais qu'on trouve plusieurs styles, c'est des noms de styles, genre le style de l'homme ivre, le style de la menthe. Ah, il n'y a pas un film avec justement Jackie Chan, l'homme ivre. Probablement que ça s'est inspiré de ça. Plus il boit, plus il est meilleur. Oui, c'est ça. Ouais. Ça doit être bon, ça. Ouais. Le concept est délicieux. Je t'attends qu'il gère. C'est une autre très bonne arme, en tout cas, si vous débarrassez quelqu'un. Très acide. Le style de l'aigle, comme je vous dis, il recourt à plusieurs armes. Et puis, pourquoi je vous parle de ça, en fait, c'est que... On sait pas. On sait pas. Je suis arrivé de même, ça me tentait de parler de wushu. En fait, c'est juste pour faire la petite histoire, c'est que la semaine dernière, probablement que vous en avez entendu parler, la lutte a été exclue du programme des Jeux olympiques de 2020. Donc, elle est tombée sur une liste de 8 disciplines susceptibles de prendre cette place-là. Donc, il y a la lutte, mais il y a également d'autres disciplines, dont le squash, le wakeboard, l'escalade. Mais la lutte, le baseball. C'était un des premiers sports. Oui, c'était la base. C'est très traditionnel. Mais ce que j'en ai, c'est que le wushu fait partie de cette liste-là. Donc, le wushu pourrait être aux Jeux olympiques de 2020. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Moi, la semaine passée, quand je voyais cette liste-là, j'étais comme... OK, bon, je connais ça. Wushu, que c'est ça? Wushu? Que c'est ça? Sincèrement. Donc, j'ai fait ma petite enquête et voilà, je vous en parle aujourd'hui. Okay. Donc, ce qui est bien dans le Wushu, c'est que pour pratiquer ce sport-là, les chorégraphies, les athlètes sont dans un costume de soie traditionnel et des costumes très colorés, donc jaune, rouge, bleu, vert, noir, etc., etc. Donc, je me disais que peut-être tes kids venaient en pyjama et déguisons-nous et jouons au Wushu. Mais sérieusement, M. Yannick Benoît, dont je vous parlais, lui, son institut de Québec Wushu, qui est établi à Drummondville, a une structure parascolaire, si on veut. Okay. Donc, sport-études et tout et tout. Donc, lui, il prend des jeunes de la région et il les entraîne en Wushu. Est-ce que tu penses que ces enfants, un peu comme dans le film de Ninja, là? Non, avec le Monsieur Miyagi, puis il se fait appeler Monsieur Miyannick à la place. Je vais faire une blague, mais je connais pas le nom du film. Non, désolé. Monsieur Miyagi, ça, c'était... Karate Kid. Ouais, Karate Kid. OK, c'est bon, oui. Monsieur Miyagi, Monsieur Miyannick à la place. Miyannick, ben oui. La blague est passée, c'était pas drôle. Non, mais t'as bien pensé, très bien pensé. Si elle avait été bien dite, elle aurait été pas prise. Et voilà, tout est dans la formulation. Voilà. Donc, ce que j'ai pas. Mais sincèrement, Monsieur Yannick Benoît, lui, il parle vraiment en mandarin. Il a dû en prendre le mandarin lors de son séjour. Donc, il parle vraiment en mandarin avec ses élèves et leur apprend un peu les quelques mots rudiments de base qu'ils veulent. Les rituels, j'imagine. Et voilà, très ritualisé, très. Comme tu dis, avec des. Et voilà, avec des routines et tout et tout. Mm-hmm. Donc, voici pour le Wushu. Dernière compétition, et non la moindre. Compétition discipline et non la moindre. L'alimentation sportive. Dont je parlais. Alimentation sportive ici ne veut pas dire nutrition. Faisons bien attention. C'est tout sauf ça, je dirais même. Donc, c'est tout ce que vous imaginez, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment du calage de nourriture. Manger le plus de nourriture possible en moins de temps possible ou un temps alloué comme un contre-la-montre de nourriture, si on veut. Avec le fameux concours d'hot dog. Et voilà, donc les nourritures utilisées, c'est le plus populaire étant l'hot dog avec ou sans saucisse. Sans pain plutôt. La saucisse, généralement. Avec ou sans eau aussi, des fois, la grosse technique de boire de l'eau en même temps qu'on mange. Et voilà, ben, je te reviens avec le calage d'eau aussi qui est très important dans ce sport-là pour s'entraîner. Parmi les autres nourritures utilisées, il y a des tartes, des pizzas, des hamburgers, des ailes de poulet, les os, là, j'imagine, les boulettes de viande, du melon d'eau, de l'huile d'olive. Là, on s'en va dans le plus bizarre. Il y a une gradation aussi. L'huile d'olive, c'est... Il y a le beurre, il y a les piments forts. Le beurre, c'est le sport de Lisa Leblanc, je pense. J'ai fait 1000 fois ça. Donc, tout ça en plus ou moins 10 minutes pour en caler le plus possible. Donc, c'est très, très impressionnant là-dessus. À savoir, les mangeurs extrêmes ingèrent plus de calories en 10 minutes qu'une personne normale en mange en 10 jours. Donc ça, pour mettre des chiffres là-dessus, c'est 20 000 calories en 10 minutes versus 2000 à 2500 pour une personne normale tous les jours. Ça, là, il n'y en a pas dans les coins. Il n'y a pas d'association, d'association à Trois-Rivières, mettons, de mangeurs extrêmes. On en parle. Nouveau projet, je vais vous parler des pour la vision de ces fous les prochaines années. J'ai justement les risques ici, je vais vous en parler tantôt. Okay. C'est comme le petit bémol. Bien sûr, ça prend pas en compte les 20 000 calories, tout le gras, le sodium et le cholestérol qui est ingéré. Donc, très joyeux pour la santé cardiovasculaire. À savoir également, il y a beaucoup de nourriture qui se passe carrément au travers de leur système digestif à ces athlètes-là. Donc, ils ressortent comme ils sont rentrés. À peu près, ouais. Ah. Donc, c'est pas tout digéré, ça. Parce que si c'était tout digéré... Non, à un moment donné, c'est physiquement pas possible. Tes enzymes peuvent pas répondre à cette tâche-là. Mais juste rentrer la quantité de nourriture dans l'estomac, c'est de la incroyable. Job, il y a plusieurs défis physiologiques derrière ça, si on veut. Juste le rentrer puis le mâcher. Ces athlètes-là ont des mâchoires qu'on peut s'imaginer très, très puissantes parce qu'ils doivent déchiqueter beaucoup de nourriture. Tu sais, mettons les hot dogs, là. Le meilleur au monde est capable d'ingérer grosso modo un hot dog aux 9 secondes pour son record du monde. Yeah! Donc, 9 secondes, vous avez 9 secondes pour déchiqueter assez l'hot dog, avaler, rentrer l'autre. Donc, vous imaginez le rythme infernal que ça prend. C'est le même gars qui prend l'huile d'olive avant pour la faire passer. Huiler un peu Et le faire sortir aussi, c'est ça. Donc, ça glisse à la sortie aussi. Vas-y. Voilà, très bon. Et c'est également des athlètes qui ont, comme je disais, l'estomac très extensible. Ils ont un estomac extensible, élastique. Donc flasque et mou. Ce qui fait qu'ils ne ressentent jamais la satiété. Ils ne ressentent jamais le sentiment d'être plein. C'est d'être plate de manger dans la vraie vie pour eux autres, non? Allez, voilà, ils ne sentent jamais genre repu. Ils sont tout le temps en train « j'ai faim » parce que leur estomac, c'est une grosse poche qui n'a pas de forme, qui est molle. Puis qui... En fait, la satiété, ça arrive justement quand l'estomac est plein, ça finit, ça envoie des signaux au cerveau qui justement nous disent de ne plus manger et tout. C'est donc, eux ne ressentent pas ça. Ils ont une capacité à relaxer et désinhiber, dans le fond, à juste relaxer, leurs muscles de l'œsophage. Donc, pour que ça passe. Et voilà, pour que ça soit un gros tuyau, là. Ouais. Puis que ça passe dedans, dans le fond. Donc, ils ont aucun tonus, leur muscle de l'œsophage. Ils ont l'absence de réflexe de déglutition. Donc, eux, ben nous, si on mange trop, maintenant, on va comme faire être repu, puis on continue. Est-ce que c'est naturel? On va gerber. Ouais, c'est ça, on va vomir. Hein. Ben, eux, c'est naturel à la base ou ils développent ça avec le temps? C'est un long point à laquelle j'ai arrivé. Absolument, les athlètes qui sont bons là-dedans, c'est des athlètes qui génétiquement sont prédisposés à ça, sont naturellement nés avec des. Avec ces, si on peut, ces carences, parce que c'est des carences dans un sens, mais c'est. Manque, quoi. Ces mutations-là. C'est également une autre tolérance à la douleur, parce qu'on peut s'imaginer, bon, à un moment donné, ça doit être désagréable. Ça fait mal, juste manger. La mâchoire dont je vous parlais tantôt. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très important d'être maigre dans ce sport-là. Oui. Parce que Kobayashi, là, est extrêmement maigre. Voilà, Kobayashi, qui est un peu le petit japonais que tout le monde connaît. La vedette de ça. Ben, il faut être très maigre, parce que si on a une couche de graisse, ça fait comme une ceinture de graisse, et ça empêche l'estomac. C'est pas bon une ceinture quand on mange, quand on arrive à un buffet d'habitude, on détache la ceinture. Voilà, puis là on fait. Puis voilà, donc eux c'est des athlètes qui sont très très maigres. Donc pour s'entraîner, qu'est-ce qu'ils font? L'eau de tout à l'heure, c'est un peu pour ça. C'est que pour s'entraîner, ils calent des litres et des litres et des litres d'eau pour chacun. Comme un bassin. Ben non, en fait, c'est vraiment pour distendre leur estomac au maximum. Wow. Donc ils font ça à l'entraînement, puis ils font ça également en compétition pour distendre le plus possible l'estomac, puis également pour faire passer un peu la nourriture. Donc voilà, ça c'est en fait le seul moyen d'entraînement que j'ai trouvé dans mes recherches. Également contrôle de poids corporel, comme je vous disais, il faut qu'il soit maigre. Donc c'est des athlètes qui sont très très ascétiques à l'extérieur des compétitions, sauf que quand vient le temps des compétitions, non seulement se sont affamés, se sont distendus l'estomac, donc ils arrivent puis toutes les conditions sont réunies pour ingérer le plus possible de nourriture. Mais ça l'estomac, question comme ça, il va-tu reprendre sa forme un jour ou ils sont-tu pognés avec ça toute leur vie? En fait, si je pense qu'ils sont pris avec ça pas mal toute leur vie. C'est pas un tissu qui est capable de plasticité. Voilà. Peut-être se faire taquer l'estomac comme. Ouais, probablement. Celui qui a perdu du poids des fois. Genre d'opération bariatrique. Voilà. Donc, ça va être beau quand ils vont être vieux puis ils vont manger du mou. Ça va en prendre du mou. c'est comme Mathieu disait tantôt, ça doit vraiment être. Vraiment, vraiment pas le fun de vivre comme mangeur compétitif. Pourquoi tu choisis ça? Pourquoi tu choisis d'aller là-dedans? C'est ta vocation, manger ça? En tout cas, je sais pas. Bravo, mais... Moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre avec un peu la crise d'obésité qu'on a. Tout le monde est de plus en plus gros, puis eux sont là, puis on... C'est comme les lutteurs sumo, je vois pas pourquoi tu choisis de faire ça. Tu pèses 800 livres. Ça, lutteur sumo, pour m'y être intéressé... peut-être l'objet d'une autre chronique. Ouais, peut-être. C'est très, très traditionnel, c'est très, très ritualisé. C'est très lourd de sens dans leur culture. C'est important. Dans le fond. Et voilà. Ouais. Puis c'est très intéressant parce que c'est des athlètes, en fait, qui sont sous leur couche de graisse. C'est les plus musclés au monde qu'il n'y a pas. C'est plus musclé même que des joueurs de football. Donc, c'est vraiment impressionnant pour ça. Je reviens à mon alimentation compétitive. Il y a une organisation professionnelle qui existe. On l'appelle la Major League Eating. Oui. Voilà, ça existe. Ça s'appelle la Mleu. Ça a comme le bruit de Ou comme disait Jean-Philippe tantôt, la mouche. Bon, était facile à placer. Elle, la Major League Eating, organise plusieurs compétitions avec des bourses et justement des structures et tout derrière ça. La plus célèbre que l'on connaît tous, c'est la Nathan's Hot Dog Eating Contest, qui a lieu le 4 juillet, la journée de l'indépendance américaine, et qui a une bourse de 10 000 $ pour celui qui la gagne. Donc, quand même, c'est de l'argent. Donc, les athlètes qui sont très connus, il y a Kobayashi qu'on parlait tantôt, le petit japonais qui mange plus vite que son nom, tiens. Et également un autre athlète qui s'appelle Sierwinski, que je pense que lui est polonais. C'est un Américain qui habite en Amérique, sauf qu'il est d'origine polonaise, et qui, justement, qui est très bon également dans ce sport-là. Donc, je vous parlais des risques tantôt, c'est un peu ça la partie pas le fun, parce que si on arrêtait là, c'est allons tous manger, c'est le fun, c'est un sport, c'est joyeux. Le seul risque, c'est pas juste de passer plusieurs heures aux toilettes à chaque jour. Non, effectivement, il y a plusieurs risques. Donc, nausées, vomissements, c'est les plus classiques. On peut s'imaginer que quelqu'un qui n'est pas habitué à ça va gerber tôt ou tard. La gastroparésie. Qu'est-ce que la gastroparésie? C'est la paralysie des tubes digestifs, simplement. Nous, quand on digère... Il n'y a plus rien qui se passe. Ton système lâche. Quand on digère, il y a un mouvement de tubes digestifs qu'on appelle le péristaltisme. Ce mouvement-là... Qui pousse vers la sortie. Fin. Et voilà, vers la lumière. La sortie de secours, là. Vers la lumière. Ben, c'est justement, il y a gastroparésie, donc le tube digestif est paralysé. Et ça repart ou non? Ça va finir par partir. Ouais. Faut que tu reboucles l'ordinateur. À force de digestion, les enzymes vont réussir, le microbiote va réussir à faire de quoi, mais ça doit prendre du temps, effectivement. Donc, mauvais quart d'heure à passer. Perforation gastrique. Oh, le pire, ça. Le titre le dit. Ben, c'est à peu près le pire. Il y en a des pas pires aussi qui arrivent. La rupture de Mallory Weiss. Qu'est-ce que la rupture de Mallory Weiss? C'est l'œsophage. L'œsophage sort de son socle, sa rupture. Donc, t'es là, pis t'as comme une boule de. T'as un hot dog, là, ici. Voilà. La saucisse par la gorge. Ah, t'as plus une pomme d'Adam, t'as comme une pomme d'hot dog. T'as une saucisse d'Adam. J'adore ça. Le nouveau nom pour mon entregent. J'ai un hot dog dans la gorge. J'ai une banane dans l'oreille. Dans l'oreille, le hot dog dans la gorge. Le syndrome de Boerhaave. Qu'est-ce que le syndrome de Boerhaave? En fait, c'est il n'y a pas de rupture, rien. C'est juste qu'à force que la nourriture qui passe, il y a du saignement dans tout le tube digestif. Donc, on s'imagine qu'à la sortie, ben c'est tout ça dans les selles. Donc, c'est pas très intéressant là-dessus. Désolé pour ceux qui mangent en passant. dommage musculaire également. Donc, tout ce qui est l'œsophage et le muscle que je vous parlais tantôt, tout ce qui est également la ceinture abdominale peut avoir des dommages musculaires. Et finalement, le plus classique, le plus prévisible, l'obésité morbide. Mmh. On peut s'imaginer que ça peut mener jusque-là. Donc, mon message, qui est mon message de fin de toutes mes chroniques, à la place de faire l'alimentation compétitive, sportive, eh bien, bougez donc. Faites donc une activité qui est vraiment une activité physique. Faites donc du sport. Montez des marches. Vraiment du sport. Ouais. Montez des marches. Faites du wushu. Combinez les deux. Tu me donnes envie d'aller chercher un trio wushu là, avec cette entrée de ce pointang. Donc, sincèrement, faites du sport. C'est bien mieux. C'est le seul que je conseille pas à tes kids, François, parce que je pense que les parents t'aimeront pas. Ah non, c'est sûr. Là. Écoute, ça passera pas au conseil. Ça passera pas au conseil. Je pense que tu n'avais même pas d'idée de le présenter à la base. Non. Donc, ceci met fin à ma chronique comme telle. Merci. Maxime Bilodeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. François-Olivier. Est-ce que je peux prendre la parole d'un peu solennel? Donc, les auditeurs le savent, c'est la dernière apparition de François-Olivier Marchand à la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou. Donc, à Assemblage requis les matins. Donc, personnellement, moi, j'ai deux choses à te dire. Il est à temps. Il est à temps. Non, il est pas à temps. Loin de là. Chippy, il est bien meilleur. Il est bien plus beau. Il me paye, il me donne de l'argent, il t'attend. Non, c'est sincèrement, François-Olivier. Ben. François-Olivier, sincèrement, là, j'ai commencé à faire des chroniques au mois de septembre, je me trompe pas, de l'année 2012, donc session dernière. Et puis, j'ai passé toute cette session-là avec toi. J'ai également passé le début de la session ici à venir à Assemblage Hockey. Et puis, je peux dire que ça fait un plaisir de travailler avec toi parce que, sincèrement, tu as tout le temps été d'une humeur exceptionnelle. Tu as tout le temps été de bonne humeur, tu as tout le temps été très réceptif à mes délires un peu psychotroniques par bout. Des fois, c'est un peu hermétique, on doit l'avouer. Donc, sincèrement, je te remercie pour ça. Ça fut un plaisir de travailler avec toi, d'animer avec toi, sincèrement. Ça fut... Ben écoute, c'est moi qui te remercie aussi. C'est beaucoup de temps. Écoute, on sait, t'as préparé ta chronique. Moi, j'ai préparé ma chronique. C'est de l'information. J'ai beaucoup de fun à venir le faire ici. Puis quand, sincèrement, j'ai quelqu'un comme ça qui interagit comme ça avec moi et me pousse plus loin, me pose des questions qui sont pertinentes, c'est un charme. À chaque fois, c'est un charme. Je vais m'ennuyer. Donc, tu nous écoutes trop, puis tu vas avoir un. Ah, c'est un ça. Écoute, je vais avoir la télé. Je vais avoir la télé à 45 minutes d'auto. Que... Ah, il va nous écouter demain. C'est bon, ça. C'est ah, vrai, c'est sûr. La chronique est à 7h30, par exemple. C'est bon. Non, mais c'est correct. Okay. Écoute, je devrais commencer vers les 8h. Ben, au pire, mettre les balados de diffusion en fin de semaine. C'est bon. Et voilà. Donc, ça, c'était pour la première chose. Sincèrement, ça, c'est juste pour l'aspect radio. Maintenant, l'aspect plus... moi, comme tel, ça fait 2 ans que je collabore avec toi dans le sens que j'écris dans le journal de campus. Et voilà, que c'est assez à cause de toi qu'un peu que j'écris dans le sens que c'est à toi que je me suis adressé. C'est toi un peu qui m'a embauché aussi. Pour la radio étudiante, c'est la même chose. Donc, où que je veux en venir, c'est que tu m'as permis de toucher à ces bébites-là. Moi, qui étais l'expérimenté, qui est encore une expérimentée, qui fait ça à tâtons, ce fut une occasion exceptionnelle pour moi de toucher à ça. Et sincèrement, je suis tombé en amour avec ça. J'adore faire ça. Et c'est un peu à toi que j'attribue ça. C'est pour ça que je pense que les médias étudiants sont là. C'est vraiment... Exactement. Et voilà, en fait, donner la chance en fait, aux étudiants d'essayer. De toucher à ça. C'est ça, exactement. C'est une occasion exceptionnelle. C'est une belle expérience, tout à fait. Écoute, je suis content parce que, en fait, notre mission, c'est en plein ça. Mm-hmm. Ça se résume, je pense, à ça. Les étudiants se demandent des fois, puis chialent, ah, pourquoi je paierais 10$ pour ça? C'est que c'est fondamental, c'est nécessaire, ça permet à du monde de toucher à ça, puis de se rendre compte qu'ils aiment ça, et peut-être même d'en faire... une carrière, d'en faire quelque exactement. Chose qui est... Et il y en a plein qui font des carrières aussi. Et là. Voilà. Quand voilà. On pense à Audrey Tremblay qui est rendue une vedette, mm-hmm. Nicolas Ducharme qui est à l'écho, mm-hmm. c'est des journalistes. Écoute, c'est des gens qui se sont impliqués qui ont au niveau commencé, du journal, de la radio aussi. Ont commencé ici. Là, tout à fait. Écoute, je suis vraiment content. C'est probablement la plus belle chose que quelqu'un peut me dire, en fait. Bon, mais ça me fait plaisir parce que c'est sincèrement, là, je pense que les mes étudiants ont une place prépondérante à avoir, puis ça, que ce soit ici à l'UQTR ou partout dans toutes les dans tous les campus, ils sont nécessaires, puis ça permet justement à du monde de triper comme ça, parce que c'est ce qu'on parle sincèrement, c'est de triper, c'est de faire quelque chose de trippant à la base. Tu parlais de carrière, je sais pas si t'avais compris ça, mais moi, la session prochaine, soit l'automne 2013, je vais commencer potentiellement un certificat en journalisme à l'Université Laval. C'est un peu à cause de ça. Si j'avais jamais touché à ça, à Trois-Rivières ici, si tu m'avais pas donné ma chance, si Mathieu m'avait pas accueilli à son émission ici avec toi, ben c'est toutes des choses que j'aurais jamais goûté, c'est toutes des choses que probablement j'aurais jamais fait, j'aurais jamais eu le guts de faire à l'extérieur d'ici. Donc... C'est pour ça, exactement. Je te remercie. Je te remercie aussi pour ton implication. Écoute, c'est grâce à des gens comme toi que ça existe aussi. Là. Merci. Bon, ben, merci. On a toute la gorge nouée. Wow. T'as touché une carte sensible et les autres après toi ne pourront qu'essayer de faire ça. T'es le premier, effectivement. Ouais, ce sera pas bien, bien dur. J'espère qu'il y en a qui ont préparé des poèmes, là, genre qui vont sortir leur verve. Là. Là, ça serait beau. Peut-être, on va voir. Mathieu Plante va sortir sa verge. Hey! Oh! Moi, j'ai mis les dessous sexy. mangeable. Parfait. Porte-jartel mangeable. Ben oui, Mathieu Plante, il déjeune pas le matin. Non, c'est ça, fait que je garde la place pour les vêtements de Jean-Philippe. Bon. Voilà. Donc, Maxime Bilodeau, merci beaucoup. Encore une fois, on se retrouve le prochain. Yes, à 7h30. Ça va être la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve tantôt avec tout plein de monde. Angie Durocher va être là, Jasmine Raymond-Réville, François Landry. On a d'autres surprises autour de ça. C'est certain, je pense qu'on peut se l'assumer aujourd'hui. On peut se le permettre. C'est le départ de François-Olivier, on va dépasser notre classe horaire, c'est garanti. Tout ce beau monde-là s'en vient. UQTR en spectacle aussi avec Karina Tardy. Certes. Pour l'instant, on écoute. On dit tardi ou tardif? Elle, c'est tardi. Elle, c'est tardi. Okay. On se choque la peau. Okay. Choque la peau. Okay, reviens-moi pas là-dessus. Non, okay. Pour l'instant, l'info campus, restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure de cette émission d'Assemblage requis en ce jeudi 21 février 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Et c'est la dernière de François-Olivier qui est aussi avec nous, notre invité spécial. Salut! Salut Tabarouette! Salut Tabarouette! Salut Tabarouette! Oui, pour ceux qui se joignent à nous en fait et qui l'ont pas entendu depuis le début de l'émission, François-Olivier Marchand, l'ancien co-animateur de l'émission pendant 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Pas mal, nous quitte pour aller rejoindre un CPE en tant que directeur général. Des jeunes CPE, beaucoup de lettres. Exactement. Trop de lettres pour moi. CFOU. Donc on lui rend hommage toute la journée, toute la journée de l'émission. Attends de voir mon chandail. Ah ouais, comme une face dessus. On regarde ça pour le hors-onde. Donc Simon Fitzbit avec nous, bon matin. Oui, bon matin messieurs. Je suis content de te voir Simon. Ah, moi aussi je suis content de vous voir. C'est comme un plaisir. Ouais, parce que Mathieu, c'est un peu redondant. Tanné un peu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Jean-Philippe aussi qui est là. Non, mais je vais faire ça rapidement parce qu'il y a une foulée de gens qui sont là pour te rendre hommage. Ça s'accumule, ça s'accumule. Ça n'a pas de bon sens. Donc, écoutez, messieurs, cette semaine, j'ai appris le départ de notre bien-aimé directeur général, François-Olivier Marchand. Il a choisi de nous abandonner à notre sort, nous pauvres médias étudiants. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans le Néré-Beauchemin. On se demande vraiment comment on pourra se remettre de ça. François-Olivier, c'est une lourde perte pour notre communauté universitaire. Hyperactif, il est partout à la fois. Co-animateur de l'émission du matin, à son bureau en train d'essayer de faire fonctionner son ordinateur qui s'était seul. C'est vrai. C'est toi qui se levais debout. Je sais pas si c'est le courant statique, mais... Je sais pas. L'ordi s'éteignait. Je m'éloignais de mon ordi, s'éteignait. Également, il essayait de faire fonctionner son iPhone 3 qui s'éteignait tout seul également. Il était aussi toujours en train de livrer son campus au volant de sa rutilante dynastie. Il y a eu plusieurs chars, hein? Ouais, plusieurs chars. Jamais tombé en panne, hein? Non, au jamais moins celle-là n'est pas tombée en panne, mais si t'avais pris une partie de chaque voiture que t'as eue, peut-être que ça elle t'aurait toffé plus longtemps. Comme dans le film là, où il invente une femme. Là. C'est quoi déjà ce film-là? Ça va ça. Beauté de rêve, femme de rêve, quelque chose comme ça. Donc, Weird science. Voilà. Il est partout à la fois, ce cher François. Tout ça, c'est sans oublier, bien sûr, ses tâches de directeur général, qui se résume souvent à être l'assistant de Frédéric Desrues. Donc, François, il est tellement partout qu'il n'a pas le choix de se faire des enfants pour prendre un congé de temps en temps. Donc, quoi, c'est encourageant pour le prochain des jeux, ça. En même temps, écoute, je suis en congé, mais je suis là. Ouais, non, c'est vrai. Il est là trois jours semaine alors qu'il est en congé, c'est ça. T'es en congé, finalement, tu t'es coupé une journée. Donc, co-animateur de talent, il a été la douce moitié de Mathieu dans le cadre de Sorlage Requis pendant l'ensemble de son mandat de DG, c'est-à-dire 2 ans et demi. Comme Tigus et Timus, les deux ont formé un duo classique de comique et straight man essentiel à la livraison d'une telle émission. Pour chaque jeu de mots douteux de Mathieu, François-Olivier est celui qui a su entretenir le dialogue avec ses invités et chroniqueurs. On pourrait dire que si Mathieu est un showman, la voix d'Assemblage Requis, François-Olivier était l'acolyte qui ajoute un peu de crédibilité avec, bien sûr, l'iconique et essentielle expression, et là, je veux tous vous entendre, Tabarouette! Ou parfait, aussi. Parfait, ouais, écoute, j'en ai eu une coupe. Écoute, c'est ça, j'avais oublié ça. Ouais. Et on va l'entendre plus tard, indice par rapport au contenu que ça va être. François, maintenant que tu as décidé d'accrocher ton micro, tu deviens un membre d'un club select des ex de Mathieu. Club formé de Kiwan, Stéphanie Gagné, Jasmine, Alexandra Carignan, Marie-Pierre Laforge-Bourret, et est-ce que j'en parle? Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné, je l'ai dit. Et t'es chanceux parce que pour le moment, vous êtes plus de gars que de filles. Là, Jean-Philippe, éventuellement, qui va arriver, ça va comme devenir égal. Ouais. Falloir que t'engages plus de filles, Mathieu. Ben, c'est ça. Hey, comment ça s'engage? Hein? Tu me l'avais pas dit, ça? Ton passage donc parmi nous se retrouve également dans d'autres réalisations, entre autres Les Soirées Cachées, hein, que tu as parrainé en fait le projet qui est une bande qui est le projet d'une bande d'idéalistes que tu as aidé à concrétiser. Également les soupers de Noël mémorables que tu as organisés, tu faisais tout le temps pour me donner des becs sur les joues, ça c'était très drôle. Je t'aime, Simon. Moi aussi je t'aime. Pas juste quand t'es sous. Et on n'oublie pas aussi les belles publicités que tu nous as offertes avec les années. Qui se souvient pas du légendaire Festebrew ou récemment la fameuse publicité de Titanic avec son « Je ne peux pas croire que vous allez passer l'été là-dessus hey, ». Anecdote, François-Olivier anime pas l'été et je l'ai pris pour cette pub-là juste parce que je savais que ce serait une très bonne pub si François participait. Il n'y avait aucun rapport avec l'émission pendant la pandémie. C'est légendaire. On va en entendre plus tard. Je l'avais oublié. Festebrew. Ah ouais, Festebrew. Très, très bonne pub. Très bon produit aussi. On est pas là pour oublier le produit. Écoutez, avant que je continue aussi, François, j'aimerais aborder un point avec toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une invention qui s'appelle une tasse de voyage? C'est vraiment génial, tu sais, c'est comme une tasse que tu peux apporter lorsque tu es en voyage ou lorsque tu n'es pas chez vous. Je vais vous expliquer rapidement, c'est que tous les matins, François apporte son petit lait au chocolat, la boisson des champions pour commencer la journée. Il amène ça dans un pot maçon. C'est pas une tasse, là, c'est pas un gobelet, non, un pot maçon. Un pot maçon, pas en nombre tout le temps. Pourquoi tu fais ça? Écoute, c'est une bonne question. Au début, en fait, parce que Xavier... T'es trop pauvre, t'as acheté des verres. Non, mais Xavier Antoire m'avait donné une tasse de voyage. C'est le chroniqueur de la chronique de thé à l'époque. Ouais, c'est ça exactement. Et puis, dans mes autos, dans mes rues utilantes, autos que j'ai eues, j'avais pas de porte-verre. Et puis, je l'ai utilisé une fois et ça a fuité. Donc, je me suis dit, ça fuitera plus jamais. Puis là, j'ai mis un pot maçon et ça n'a jamais fuité. Ah, écoute, c'est... Mais c'est fatigant parce qu'il reste pas chaud longtemps. Non. Mais bon. Est-ce que tu faisais exprès pour le popper dans le micro à toi le matin? Non. Non, OK. Faut savoir. Donc, François-Olivier, bien sûr, est arrivé à la tête de ses fous dans des moments qui étaient, avouons-le, difficiles. La station était en très mauvaise situation financière et Simon Fitzbé venait d'annoncer qu'il ne comptait pas revenir à la barre de l'émission du matin. Ben oui. Ouais, c'est tout un défi à relever pour le jeune homme frêle et quand même rachidique qu'il est. Ben, c'est un petit doigt, comme on dit. C'est un petit doigt. Un tout petit garçon. Donc, heureusement, il a su se retrousser les manches et relever le défi en représentant les médias. Les défis que représentaient, dis-je, les médias à cette époque. Grâce à lui, nous sommes en meilleure forme que jamais. La programmation C'est fou a su se renouveler. Le Zone Campus ne cesse de s'améliorer et une nouvelle génération d'étudiants désirant s'impliquer prend tranquillement, mais sûrement leur place aux côtés des vétérans. Et tu peux donc... Des points plein de gens, là, on se comprend. Oui, ouais, Jean-Philippe est nouveau. Moi, Mathieu, donc... François, tu peux nous quitter la tête haute, t'as réussi de ce côté-là. Le départ de François n'est pas une fin en soi, mais un nouveau début pour lui et pour nous. En commençant ta nouvelle aventure, tu nous prouves que la mission des médias étudiants est de former, bien sûr, et d'épanouir, fonctionne. Ton poste de directeur général t'a permis d'apprendre et d'acquérir l'expérience nécessaire pour relever de nouveaux défis ailleurs, dans le vrai monde. Quoique c'est le monde des garderies, là, faut pas te mentir. D'une certaine façon, tu nous paves la voie vers la prochaine étape. Pour tes loyaux services, ton écoute et ton amitié pendant toutes ces belles années, je te remercie de tout mon cœur. Tu vas nous manquer et rappelle-toi que nous sommes jamais bien loin. Entre deux postes qui grichent et on n'est pas très, très sortis. Hey, merci Simon. Écoute, puis en fait, je vais vraiment m'ennuyer. Ouais. Sincèrement, écoute, j'ai connu des gens ici que je suis ravi, en fait, et des gens pleins de potentiel dont tu fais partie. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir ces années-là. J'aimerais finir sur une note un peu plus... Tu sais, François-Olivier, c'est difficile de l'haïr. Hein? C'est vraiment difficile de lui trouver un On essaye, mais... Mais peut-être que les gens donc, vont commencer à l'haïr quand ils vont savoir que c'est grâce à lui si je travaille aux Zones Campus. Hein? C'est ça même. Là. Les détracteurs, sachez qu'il y a une source à tout ça. C'est persécution, lui. Hein, c'est mon frère. Lance-moi des pierres. Non, mais franchement, de tout mon cœur, je te remercie beaucoup. Puis, ben, écoute, c'est moi qui te remercie. J'espère qu'on va se recroiser. Allô, vendredi, on se boit une bière? On se boit une bière. Parfait. 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. 9. Rendu là, la misère à côté. Merci, Simon. Merci à vous. Génial, merci. Merci beaucoup, je suis vraiment content. On le retrouve lundi, évidemment, sa chronique. Nouveau nom pour sa chronique, d'ailleurs, Fitzbeat. Fitzbeat. Ah, hier, le plaisir que j'ai eu quand j'ai lu ça, j'étais là, waouh. Je vous ai écouté, j'ai entendu vos suggestions, je me suis dit, c'est Simon pas très beat, bon. Simon Fitzbeat. Beat vous déplaît. Non, c'est yeah, Fitzbeat. Ben oui, on aurait dû y penser. Ben oui, c'est dans son nom. Ah, je te réfléchis pas assez, c'est mon problème. Hein. T'as pas assez vite là-dedans, tu sais. Et puis sinon, ben, on connaît tes émissions Album Classique vendredi, demain matin à 10h. Dans quelques minutes, on parle avec Karina Tardy. On la repousse à plus tard, mais que voulez-vous? Ah oui, je m'excuse. Que... Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, c'est eux autres là, qui vont attendre. Pour l'instant, c'est Olinéa avec L'Échiquier. Et on revient dans quelques secondes. Yeah. L'échiquier d'Oinéa à Assemblage requis. On perd François-Olivier Marchand et Jean-Philippe Charbonneau probablement par les prochaines minutes parce qu'on accueille Carina Tardy. Bon matin. Bon matin. Carina, de QTR en spectacle, on reçoit tous les jours à 8h et quelques. Hein? Et quelques, oui. Et quelques environ. donc, on interrompt la grosse célébration du départ de François-Olivier. Désolé. Pour vous autres. désolé pour le retard. Donc, aujourd'hui, on reçoit Jean-François Veilleux et Daniel H. Dugas. Bon matin à vous deux. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander de vous présenter dans le sens de votre champ d'études et votre talent que vous allez présenter à UQTR en spectacle pour commencer. En fait, on est deux étudiants en philosophie. Moi, je suis à la maîtrise et Daniel est au baccalauréat. Et puis, ce qu'on va présenter comme musique, c'est la musique instrumentale folklorique particulièrement. OK. C'est bon, ça. J'aime ça. J'aimerais savoir comment vous avez formé votre duo percussion et violon. Bon, on se connaissait déjà un peu à l'avance, puis on est coloc, fait que okay. Ça donne beaucoup d'occasions de jouer de la musique. D'essayer des affaires. Est-ce que vous avez d'essayer des affaires ensemble? Oui, oui. Essayer des choses. Avez-vous fait beaucoup de concours ensemble? On a fait un seul concours de musique pour la JQTR, qui s'est passé à la Chasse-Galerie, qu'on a obtenu la troisième place. Sinon, on a fait quelques concerts à l'appart. On a plus fait des spectacles que des concours, finalement. Fait que là, ça va être l'occasion de se démarquer là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Votre musique, c'est de l'instrumental. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas ajouter de vocales et de paroles à vos musiques? Ben, pour plusieurs raisons. En fait, à la base, la musique folklorique est plus instrumentale que les autres sortes de musique. Sinon, ce serait de la chanson à répondre. Mais on a aussi dans l'idée que la musique sans paroles peut faire voyager quand même. Ouais. On n'a pas besoin de mots pour comprendre quelque chose ou pour ressentir des sentiments. Et ça fait partie de notre concept qu'on va présenter là à QTR en spectacle. On a 6 mini courtes pièces qui sont entièrement instrumentales. Ça fait partie de notre concept là, de voyager avec seulement la musique. Ouais. Il y a aussi que ben pas de vocal, ben, ça fait changement un peu. Là. Souvent, c'est des conventionnellement, t'as guitare, percussion, vocal. Mais le vocal, des fois, il est... Que tu fais chanter tes instruments, ben t'en as pas besoin. Mm-hmm. Vous allez nous jouer un extrait de musique maintenant. Je pense qu'on est prêt. Ça vous tente de vous de vous installer un petit peu? Dans le fond, c'est une des 6 pièces qu'on va jouer au concours et qu'on vous offre. Dans le fond, c'est une composition de ma part, mais elle est inspirée du jeu vidéo Killer Instinct au Super Nintendo. Génial! Ah là, ça me rejoint! Ah, j'aime vraiment ça! Cool! Killer Instinct fait par Rare. On la dédie à FO pour ses nouvelles aventures. Merci. L'instinct d'un tueur. On va dans une garderie, là. Ouais, là c'est pas reluisant, mais bien. Moi, tantôt, il a dit qu'il avait faké son CV. Je pense que ça pourrait avoir des traces de ça. Donc, on s'installe pendant ce temps-là pour entendre une petite performance. Est-ce que vous avez un nom, votre... On est les Sempiternels. Les Sempiternels, c'est merveilleux. Donc, Jean-François Veilleux et Daniel H. Dugas qui vont nous jouer un petit numéro dans les instants qui suivent à Assemblage requis. Toujours dans le cadre de la chronique UQTR en spectacle. On vous rappelle qu'UQTR en spectacle a lieu le 28. On peut peut-être en parler, Carina, pendant ce temps. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Hier avait lieu la conférence de presse. Vrai. Puis, ce qui nous reste, ce qui s'en vient, c'est le spectacle. Donc, le 28 février, jeudi prochain, au Cégep de Trois-Rivières. C'est à quelle heure? À 19h. 19h. Oui, et les billets sont en vente aussi. On a un petit kiosque ici, au deuxième étage. Puis, sont en vente à la coop aussi et auprès des membres du comité organisateur et des participants. C'est parfait. Et on va te retrouver la semaine prochaine, tout au long de la semaine, pour parler avec d'autres participants. Donc, allons-y avec Jean-François Veilleux et Daniel H. Dugas. On vous écoute. Wow! C'est donc ben bon! Bravo! Jean-François Veilleux et Daniel H. Dugas. Tu sais qu'une minute, c'est à peu près le temps que ça prend pour s'ajuster pendant une performance musicale. Ouais. Là, on avait une minute en tout de musique. Mais ça sonnait bien. Ça sonnait très bien. Merveilleux. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Très bonne chance à écouter en spectacle. Ah, tout à fait. Et il sort déjà son violon. J'aurais demandé de nous emmener à la pause. Mais c'est pas grave. Merci quand même. Merci à vous deux. Non, ça va. Carina Tardy, on te retrouve lundi prochain à 8h. Oui, absolument. Pour encore parler de QTR en spectacle. Nous, on prend une petite pause et on revient après ça avec le blitz des derniers chroniqueurs. On a Anne-Julie Durocher, Jasmine Raymond-Drainville. Une chance, c'est pour Anne-Julie Raymond-Drainville. C'est comme nous, un peu. François Landry aussi qui va être avec nous. Et plein d'autres surprises à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Lundi, à Assemblage Requis. Simon Fitbit présentera sa chronique musicale Fitbit. Sébastien Dubuis sera dur sur la culture avec son éditorial « Va voir ailleurs, j'y suis ». Et tant qu'à parler culture, on restera là-dedans avec la chronique en spectacle d'Alexandra Carignan. Tout ça, et on y voilà peut-être un nouveau co-animateur permanent à Assemblage Requis, lundi 7h. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Eh oui. C'est la dernière de François-Olivier Marchand aujourd'hui, donc on célèbre tout ce qui est François-Olivier, si on veut. Et un record Guinness de nombre de personnes dans le studio. Tout à fait, il y a des gens debout, il y a des gens dans les gradins, partout, dans les partout. Gradins. Et on va commencer avec Jasmine Raymond-Drainville qu'on accueille tout de suite, voici la chronique RGEQTR. AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR, parce que l'AGEQTR, ça pas d'âge. Yo, pro, pro. Et le featuring de François-Olivier à la fin, encore une fois en pro, direct. Pro. T'es venu à chaque jeudi depuis les 5 dernières semaines pour le faire. Ouais, exact. Oui, bravo. Je m'en vais tout de suite après ça. On va écrire une nouvelle version, Jasmine. J'ai déjà des paroles. J'en ai déjà chanté un petit bout en ondes. Jean-Philippe et moi collaborons. On a fait un freestyle. Pour vrai, vrai, là. Ça va être vrai, vrai, vrai. Mais j'ai pensé ce matin amener le xylophone, la flûte avec, tous tes instruments hyper désagréables là, à FO. À FO. Oh, ça aurait été bon comme genre. Mais j'ai jeté finalement. Non, mais j'ai jeté. Non, pas à la place de tes données, j'ai jeté, mais j'ai jeté auparavant. Que? Fait que c'est ça, j'ai plus. Je les aurais donnés. Non. J'aurais c'est vraiment un cadeau. Ouais. En tout cas, on se trouve à d'autres choses peut-être la semaine prochaine ou l'autre après. Donc, Jasmine, chronique AGEQTR, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de l'Assemblée générale qui a eu le mardi 19 février. Ben oui, au 10-12. Oui, voilà. D'ailleurs, il y avait une levée de cours. Oui, il y avait une levée de cours de 13h30 à 17h, ce qui fait que on a eu... je sais pas trop au maximum combien qu'on a eu de personnes, mais quand même... on a il y avait du monde? Oui, quand même. Plus que 60 qu'il y a quand même, c'est ça? Oui. Attends un peu, c'est, je regarde les mimes d'Anne-Julie. T'as 220, 20, 40, 40... 70. 70. Crie-le, on t'entend pareil, t'es à 2 mètres de nous autres. Donc, oui. Je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est dit durant l'Assemblée. Ben, pas de tout ce qui s'est dit, mais de... On prend les 3 prochaines heures pour refaire l'Assemblée. Ouais, non, ça va être beau, okay. Ça ne me tente pas. D'accord. OK. En fait, on a commencé par terminer l'Assemblée générale annuelle du 3 octobre parce qu'on avait perdu quorum. C'est vrai. Donc, on a pris une grosse pause de 3 mois, puis on a fini ça. Mm-hmm. Il ne s'est pas passé grand-chose là, en fait. Là. C'était par principe qu'il fallait le faire. Oui, tout à fait. Donc, ensuite, il y a eu une Assemblée générale spéciale qui a commencé tout de suite après. Puis, on a commencé avec des modifications au statut règlement généraux qui avaient été présentées, qui avaient été déposées là, en avis de motion le 3 octobre. Donc, là, on s'est positionné sur ces modifications-là qui ont été un petit peu modifiées puis adoptées finalement. C'était concernant l'article 3.11 des statuts règlement qui est l'article sur le vote de grève. Donc, maintenant, l'article s'appelle juste grève. On définit, en fait, la grève doit encore être votée en Assemblée générale, comme c'était déjà le cas. Sauf que là, on a défini les types de grèves qui peuvent être acceptées là, à l'UQTR parce qu'on était dans une espèce de flou l'an passé puisqu'on avait vécu la première GGI. Donc là, on a plus balisé ça pour savoir davantage où on s'en va. Donc voilà, ces modifications-là étaient adoptées. Là. Ça prenait le 2/3 des participants, des étudiants pour que ce soit adopté. Ensuite, on a parlé de la politique électorale qui a été modifiée en conseil d'administration le 9 décembre dernier parce que les politiques, ça relève du CA, là, c'est le CA qui gère tout ce qui est service administratif, là, je sais plus trop précisément le terme, là, mais c'est le CA qui gère ça. Puis l'Assemblée générale a demandé au CA de revenir sur sa décision. Donc, on va avoir un conseil d'administration spécial dans les prochains jours pour rediscuter de tout ça. Ça, c'est quoi? C'est les élections, en fait, des administrateurs, ouais. En fait? Non, les élections des officiers. Des officiers, là, on okay. tombe en... La période électorale débute lundi prochain, là, puis okay. c'est ça. Donc, la politique okay. électorale... Et qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qui... En fait, il y a un comité qui a été ajouté au sein de tout ce processus-là. C'est okay. un comité qui servait, ben, qui sert à valider les candidatures, donc le comité de validation des candidatures. Qui s'assure en fait que la personne a les signatures puis non en fait non. le comité non c'est ça ça c'est le comité électoral qui s'assure que tous okay. les formulaires que tout se passe bien durant la campagne, mais le comité de validation lui serait composé d'un étudiant ou d'une étudiante par association départementale, ça il okay. y en a plus de 30, puis se réunirait pour poser des questions aux potentiels candidats pour s'assurer que toutes les ceux qui vont être dans la course, là, finalement, ont des connaissances pertinentes puis suffisantes pour, ben, pour le moment le où ils vont rentrer en poste. OK, OK, OK. Mais en fait, ils sont élus par les étudiants? Oui. OK. C'est ça. Ben, en fait, c'est laissé libre à chaque association d'élire une personne pour siéger à ce comité-là. Mais moi, ça me prend une preuve comme quoi ça a été fait soit en conseil exécutif, okay. soit en assemblée générale de l'association. Puis c'est ça, ce comité-là se réunirait une journée là, pour... voir les candidats puis okay. Discuter avec eux. Donc, l'Assemblée générale n'était pas satisfaite, là, visiblement, de cette nouvelle politique-là. Donc, on a demandé au CA de reconsidérer sa décision. C'est en plein ça. Okay. Ouais. Ensuite, on a parlé du sommet sur l'éducation qui va avoir lieu, sur l'enseignement supérieur, pardon, qui va avoir lieu lundi et mardi prochain, donc les 25 et 26 février. On avait déjà pris une position en CA. Qui était que, en gros, là, que la GEQTR critique la forme qu'a pris le sommet, l'espèce de format prêt à penser, là, des débats, puis tout ça, puis que ça laissait pas assez de place à l'échange, puis aux vraies discussions. Puis l'Assemblée générale a repris cette position-là, okay. puis en remplant, en fait, en disant qu'on dénonce publiquement là, tout ça au lieu de seulement critiquer. Ensuite, ça prévaut, en fait, sur la position qu'a pris le conseil d'administration. La présidente a présenté les quatre grandes orientations de la planification stratégique de la GE. Il y a un plan quinquennal, un plan de développement quinquennal qui a été élaboré, en fait, qui va être élaboré là, en partant de ces quatre grandes orientations-là. Donc, ça a été adopté. Puis, on va consulter les étudiants là, pour ce qui s'en vient par la suite. C'est pas mal ça, là. C'est très résumé, mais ça a duré 3 heures. Non, mais c'est bien. C'est un bon résumé, j'aime ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner qui s'en viennent? Non, oui. D'accord. Oui, non, non, mais... Oui, excusez. On organise, en fait... J'essaie de mener vers quelque chose d'autre. Mais quand tu dis juste oui, je peux pas deviner c'est quoi. Oh, donc, voilà. Et on a un autobus, en fait, là, qui va partir. Si on a assez de gens, il y a un bus qui va partir vers Montréal le mardi 26 à 11h30 pour aller manifester en marge du sommet, là, parce que, plus ça, donc à l'extérieur. Il y a une manifestation qui est organisée par l'AC, puis nous, on n'y participe pas, sauf que s'il y a des étudiants qui désirent s'y rendre, on va leur fournir l'autobus s'il y a suffisamment d'inscriptions. La feuille d'inscription est disponible sur le bureau de l'adjointe administrative au 1001B Néry-Beauchemin, dans nos bureaux, derrière la chaise galerie. Okay. Venez vous inscrire rapidement, parce que c'est ça. Ouais, ça s'en vient, c'est là. Ça, sinon, réserver avant lundi, j'imagine. C'est ça. On a jusqu'à vendredi. Okay. Jusqu'à vendredi. Puis sinon, on va essayer d'organiser du covoiturage là, pour quand même que les étudiants puissent s'y rendre. C'est juste que s'il y en a 7, on ne lisera pas un autobus non plus pour ça. Donc, voilà. Puis oui, il y a question pour un champion ce soir. Ça avait été fait l'année passée. Ça va être à la Chasse-Galerie. C'est à 19h. Donc, il y a une personne par association qui peut venir s'y inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur place, en fait. Là. Donc, arrivez un peu avant si vous voulez vous inscrire. Et ça donne des points pour la Coupe des Associations. C'est dans le cadre de la Coupe des Associations, c'est en plein ça. Puis hier, il y avait le tournoi de babyfoot aussi. Okay. Par contre, j'ai des points pour... Oui, okay. J'ai pas les résultats, mais ça avait lieu hier soir. Non. Puis je sais qu'il y a des associations qui avaient demandé à inscrire une deuxième équipe de leur assaut. Donc, d'après moi, il y a eu pas mal de monde. Puis ça a dû bien fonctionner. On avait 3 tables. Donc, c'était à la chasse, c'est ça? C'était... Oui. Parfait, cool. Puis, dernière chose, lundi aussi, à 17h, il va y avoir un 5 à 7 des cycles supérieurs. Ça va être au 10-12. C'est une formule bière et saucisse. Habituellement, on faisait 20 fromages. Puis là, ça va être. Il y en a un qui est content. Ça va être bière et saucisse. Puis on a eu une commandite de la saucisserie aussi. Wow. Si vous voulez voir les sortes qui vont être disponibles, vous pouvez aller consulter la page Facebook de l'AGE. C'est excellent. Merci, Jasmine Raymond-Réville. Merci. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Ta chronique est toujours le jeudi à 8h d'habitude. Oui. Tu vas être à 8h10 et quart la semaine prochaine. Maintenant, on n'a pas le temps de passer en musique. On va faire comme à Radio-Canada, monter le fond, puis on vient avec David Ferron. On va freestyle ça. David Ferron est avec nous. David Ferron, allô! Bonjour, comment ça va? François-Olivier! Hey, David Ferron! Ça va bien? Ça va bien, toi? Hey, François-Olivier, je dois t'avouer quelque chose. Je suis content que tu partes. Oh, ça commence mal, là. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, vas-y. Parce que à cause de ton motadine de peau maçon... Mais c'est qui a mon pot maçon? Ils sont obsédés par ton pot maçon. C'est fou, hein? Oui, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais employé... Quand j'étais ton employé... Il était vendeur de pub. Faut mettre les gens en contexte. Ah, il traînait sur ton bureau. Oui, tout le temps. Tu le mettais tout le temps sur mon bureau. Tu sais, au lieu de le mettre sur ton bureau à toi, tu faisais comme... Hey, je suis cool, j'écoute Melon Colline. Je vais pouvoir mettre un pot maçon sur le bureau du vendeur. Je suis hot. Hey, avant si ça te perturbait à ce point-là... Oui. Je te l'aurais sacré sur la tête. Exactement. Pourquoi tu penses que j'ai pris le CD de Jonathan Roy et que j'ai fait un souverain? C'est pour ton maudit pot maçon. C'est pour ça que j'ai pris le disque de Jonathan Roy comme trou vert. Puis depuis que je te connais en 2003, tant qu'employé de couche-tard, avec ton petit sourire niais, je suis content. C'est vrai, le monde, j'écoute Mola Colline. Mais on avait-tu travaillé ensemble au couche-tard? Non. Non, OK. J'étais juste un client. OK. Mais même à ça, sur Papineau, hein, c'était ça. Tu venais sur Papineau. Ouais. C'est ça, OK. Mais c'est ça, depuis ce temps-là, ben, je veux dire, Jean Charest a régné pendant 9 ans, il y a eu une récession aux États-Unis, il y a eu des tsunamis en Asie, des problèmes nucléaires au Japon. Je veux dire, depuis que je te connais, que de tragédies. Que de tragédies, écoute. Et, tant que tu parles, et des beaux moments, est-ce que t'en as vécu aussi ou... Non plus, non? Mais je suis tellement frustré là, pour me défouler, j'ai le goût d'inscrire sur mon Fitbit à Option Nationale. J'ai tellement le goût. Non, c'est pas vrai, France. Ça, Olivier, c'est pas vrai. Pantoute. Ben, peut-être pour. Peut-être Simon, un peu. Ben, pour Simon Fitbit, peut-être je pourrais l'inscrire. Non, c'est pas vrai. Je ferais pas ça. Simon, c'est pas vrai. Mais non, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi. C'était un plaisir pour toi aussi. Écoute. Pour toi aussi. OK. Que de moments cocasses. Mais non. Je vais m'amuser ces moments-là. On dirait que ça me met mal à l'aise, mais en même temps, t'es mais comme non. Confortable. Puis wow. Regarde, j'ai pensé à toi. Bon, qu'est-ce que David a son téléphone cellulaire Android sorti? Il montre quelque chose à tout le monde. Faut t'arrêter de le virer. Je vois rien. Ça, c'est con. C'est quoi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a placé son Android comme un iPhone en hommage à François-Olivier qui n'arrêtait pas de changer d'idée entre Android et iPhone. C'est ça le gag? Ouais, mais... Ah, le fond d'écran, c'est une face de François-Olivier. Et Colin, derrière les icônes, ça s'est allé tellement trop poussé, Mathieu. Ouais, hein? Ben, parce que François-Olivier a déjà mis ma photo comme fond dans son motadine de cellulaire. C'est vrai. Ouais, mais ça, c'était un T'es pas game, là. Je gagnais 5$, c'est ça. Non, je t'ai pas donné 5$. Là, c'est Mathieu. Allez, ben, laisse faire. Va-t'en! Non, c'est vrai. Mais je pensais voir un retour de Gustave avec le gars qui fait ça sur la table de même. Non, mais en passant, Gustave était trop gêné pour te le demander, mais Gustave voudrait te demander en mariage. OK. Gustave, okay. Qui est l'alter ego de David Ferron. En fait, j'ai de la misère à les différencier. L'un moustache, l'autre en a pas. On sait jamais quel est lequel. Ils ont essayé de se tuer, etc. Mais Gustave. Ouais, je pensais qu'il était mort, en fait. Mais Gustave de la fenêtre. Non, il est pas mort, je l'ai revu depuis. Tu l'as revu, tu l'as recroisé. Je pense que c'était lui. Mais ben, nous, on s'est rencontrés. Fait que. Dans les 5 dernières semaines, oui. Ouais. Donc, Gustave veut demander François-Olivier en mariage. Okay. Ouais. Okay, faudrait qu'il me le demande directement. Ouais, c'est ça. Ben, on pourrait peut-être regarder. Tu es en corridor avec le reste du monde? Rentre, Gustave. Gustave, allez, assieds-toi, Gustave. Oh, bonjour, François, comment vas-tu? Enfin. François, épouse-moi, s'il te plaît, je t'aime tellement, François. Il s'épouse par une fois, il y a une main, j'ai eu. Devant moi, c'est comme moi qui dois témoigner. C'est toi, l'officier, wow! Est-ce que quelqu'un s'oppose? J'ai-tu le droit de m'opposer? Jasmine propose. Qui entérine de veau ou de bison? Entérine de bison. Mais là-dessus, François-Olivier, je te souhaite bonne chance dans tes... Ben merci. Écoute, je te souhaite la même chose. Une belle continuité à David Ferron. T'as des beaux projets. Faut pas lâcher. Puis toi aussi, je sais que tes futurs employés vont être très chanceux et chanceuses de t'avoir. On verra, on leur demandera dans un an. Excellent. Bon, ben au revoir. Merci d'être Ferron. Hey, merci beaucoup. On refait comme à Radio-Can, on monte le fond, on accueille Anne-Julie Durocher. J'aime vraiment entendre ces fonds à plein volume. Salut Anne-Julie. Hey, allô. Ça, c'était le fond de David Ferron. On va passer à ta chronique parce que la tienne a une intro officielle et on doit la faire jouer. Voici l'index. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Anne-Julie Durocher, bon matin. Mais bon matin. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. En fait, ça date d'avant que tu te fasses couper les cheveux à Lucan, je crois. Ouais. On t'a pas vu depuis, ouais. Ça fait 2-3 semaines. Ouais, ben un matin, j'avais des examens. L'autre, je me suis pas réveillée. Puis, là, je suis là. Ça, Landry fait des drôles de... Ouais, François qui est arrivé en studio. Oui, je suis là. On l'a pas dit encore. Ça fait 3 heures, je suis là. Ouais, c'est... Ben oui. Il est là, 5h15 Ça te fait bien tes cheveux. Écoute, puis je voulais te féliciter, justement. Écoute, ça du courage, hein. Ça prend quand même du courage. Parce que t'avais quand même les cheveux longs aussi. Oui. Puis ça te fait très bien. Mais c'est gentil. Tout à fait. C'est très, très bon. Hein? On remarque à peine la différence. Bon. Tellement qu'elle est radieuse. T'es tellement gentil. Donc, aujourd'hui, tu nous présentes une chronique l'index. Tu l'as fait le mardi d'habitude. Et là, t'as fait une translation latérale vers le jeudi juste pour être avec François-Olivier. Oui, mais là, je suis un petit peu comme triste parce que j'avais comme l'habitude depuis un an de poker FO pendant mon intro. Là, quelqu'un devant vous de l'index. C'est d'habitude, Anne-Julie et François-Olivier sont à côté de l'autre. Jean-Philippe est dans le milieu, donc pokez-vous à travers Jean-Philippe. Wow. Comment tu t'es, Anne-Julie? J'en veux à Mathieu. L'électricité a passé. Oui, non? Oui. Donc oui, ça va être une chronique l'index très, très, très raccourcie aujourd'hui parce que je n'ai pas eu accès à Internet pour aller chercher les informations dont j'avais besoin ce matin quand je suis arrivée à l'université. Non. Donc, je vais vous parler, en fait... De la troupe d'improvisation Partie Intime qui joue dans les décors des théâtres des gens de la place. Oui. Je suis allée là hier et j'ai passé vraiment une merveilleuse soirée. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, de l'impro, théâtre... C'est de l'impro ou du théâtre? C'est de l'impro. C'est vraiment de l'impro. Fait comme... Dans un décor de pièce de théâtre. OK. Parce que comme là, il était dans le décor de la pièce de théâtre M pour mémoire qui a... Okay. Il y a une représentation ce soir. Okay. Fait que là, ils étaient dans leur décor, donc ils improvisent en fonction du décor, de l'éclairage prévu pour cette pièce-là. Il y avait un éclairagiste, quelqu'un au son, puis eux, ils improvisent, mais autant l'éclairagiste, la personne au son, puis le personne ne sait ce qui va se passer. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, là, comme après le 2 heures là, en fait, là, de présentation, j'allais discuter avec le monde qui faisait l'improvisation. Puis en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que autant le monde qui sont à l'éclairage, au son, puis le monde qui sont sur la scène, en fait, vont influencer. Puis personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Ils n'ont pas de musique de prévu, mais si la personne au son décide de partir une musique, ben ils enchaînent avec ça. Puis c'est des petits sketchs. Des fois, c'est plus long. Là. Des fois, ça peut être 10-15 minutes. Puis des fois, c'est 30 secondes, une minute. Fait qu'on sait jamais, c'est en fonction de l'éclairage, de la musique, puis de qu'est-ce qui se passe sur scène. Fait que c'est vraiment spécial. Ça prend un talent là, incroyable. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font de l'improvisation. Oui, aussi. Oui, c'est incroyable. Et ces gars-là, ils l'ont, Partie Intime. Tu sais, c'est des vétérans de la lutte et de la lime. On parle tout le temps de la lutte et de la lime, on parle rarement ou pas assez, en tout cas, de Partie Intime. Ben, c'est ça. C'est vraiment le fun. Pour vrai, j'ai vraiment passé une belle soirée. Puis oui, en effet, c'est tout un talent parce que d'improviser comme ça, puis des fois, il y avait un son d'une sonnerie de téléphone, puis ils s'y attendaient pas, ils étaient partis dans leur affaire. Bon, OK, comment qu'on se revire pour intégrer ça? Puis là, il n'y a pas de téléphone dans le décor, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'était tout plein d'interactions comme ça. Puis bon, c'était la première fois que j'y allais, mais veux pas, à chaque fois, ça doit être tellement différent parce que les décors sont différents. Veux pas, t'as à composer avec le décor qui est là. Donc, ça doit être très le fun d'être le gars qui est à l'éclairage ou le gars au son pour les déranger, essayer de les provoquer. Tu dois avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. T'es un gars de même, toi. Mais est-ce que tu te rappelles, je veux pas te mettre si tu te rappelles pas des noms, mais Alexandre Gauthier est toujours là-dedans. Oui, Alexandre Gauthier, mais je pense. Guillaume Chalet-Janson. Oui. Mais Alexandre Gauthier est pas à Montréal. Mais il était là hier. Il fait l'aller-retour, lui, c'est pas même. Il trippe tellement. Dans Tempête. Oui, dans Tempête. Hélène Martin. Hélène Martin. Tout à fait. Guillaume Chalet-Janson le dit. Marc-André Fortin. Oui, Alexandre Dosti. Oui. Alexandre Dosti, qu'on entend dans les pubs, c'est fou, et que Jean-Philippe, à chaque fois, se dit, coudonc, c'est qui ça? Oui. Ben, c'est lui. Mais c'était lui qui était à la musique hier. Ah! C'est lui qui se gâtait. Ah, mais il sait comment les provoquer puis les faire. Ben les oui, faire, il est habitué de faire de l'impro aussi, fait qu'il sait comment interagir et tout ça, fait que. Tout à fait. belle interaction hier, c'était vraiment plaisant. Fait que il va en avoir d'autres. J'ai pas les dates. C'est ponctuel, c'est pas récurrent chaque semaine, c'est quand ça adonne. C'est quand en fait là, les théâtres des gens de la le théâtre des gens de la place en fait fait une production. Okay. Puis là ils vont s'intégrer à tout ça. Et ça coûtait combien? Ben moi en fait j'ai eu les billets mais je crois que c'était 10$. Okay. L'entrée. Puis ça vaut la peine là, pour une bonne soirée. Puis c'est pour vrai ça prend du talent puis ça prend du courage pour faire ça. Puis je trouve ça le fun d'encourager en fait le monde. Le font là. Oh, oui, tout à fait. Ça vaut la peine. C'est une belle petite soirée, bien tranquille. Fait que s'il y en a d'autres, je vais vous en reparler. Merveilleux. Puis, je vous dirai les dates, puis les heures, puis tout ça. C'est d'autres billets, là. Ben ouais. C'est grâce à des contacts que j'ai réussi à avoir des billets. On pointe des gens aussi. Ah. Angie Durocher, merci beaucoup. Mais merci, puis mais merci, je peux merci, comme dire un mot à Info. S'il te plaît, la place est à toi. Tu sais. Mais merci, Info. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir. Une belle connaissance aussi. Écoute, je sais pas. Mais en tout cas, je te souhaite bonne chance. Je vais m'ennuyer vraiment beaucoup, beaucoup de l'ambiance, beaucoup des gens. T'en fais partie aussi. La pause cigarette dehors, entre vous deux, moi, je vous voyais souvent sortir et prendre une cigarette. Ouais. C'est le fun. C'est le fun de travailler. Mais, ouais. Pas sûr. Non, c'est mais, en tout cas, je me souviens encore de la première fois que j'ai parlé à Info en studio. Il m'a dit Angélie. Il me passe en entrevue. C'est un lapsus en plus. C'est vrai, exactement, dans le cadre des élections. Ouais. Écoute, ça date de 2010, ouais, sûrement. Comme 2010, là, la première fois que je me suis présenté. Je me sentais mal, là, je me sentais... Il a commencé avec ça, t'sais, moi, super stressé. Ben oui, mais regarde ça, comment ça a amené à une chronique hebdomadaire. Ben écoute, t'as été élu, fait que... Ben oui, ça a bien fonctionné, merci. Il a pas dit ça à la chaise, là. Non. Fait que... Merci. Et on te retrouve à ta case originale, habituelle, c'est les mardis. Oui, c'est ça, 8h. 8h. Angélie Durocher, l'index. Oui. Merci. Bye bye. Juste parce qu'on a pris l'habitude, on remonte le fond, même si c'est passé déjà là. Et maintenant, toujours à Assemblage Rookie, toujours dans le cadre de l'Extravaganza de l'Au Revoir de François-Olivier Marchand. Hey, c'est une émission chargée pour vrai, là. Ah, il en reste plein d'autres mondes. Ben non. C'est pas osé, parce que je sais pas si on va ouvrir la porte tantôt. On a tellement pas de temps de passer de la musique, on sait même pas qui nous attend dans le corridor. Mais on accueille François Landry avec sa chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Get royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Tousignan-Plante. Hey, t'es frère, ça fait deux semaines que je le Hey, cherche. Serge, t'as oublié Serge? Serge, c'est vrai. Serge Mathieu Tousignan-Plante. Oui. Toi, est-ce que t'as d'autres noms qu'on puisse te rire de toi un peu? Là? Non. François-Olivier, en as-tu? Moi, c'est Charles. Bon, plate ça? Ouais. Un nom normal? Excuse-moi. Bon, le titre de la chronique d'aujourd'hui, François Landry, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. En tout cas, j'ai entendu dire, j'ai entendu un titre, c'est quoi? T'as une jolie... Non, je l'ai même pas ici. Un au revoir logocratique à Info. Ouais. Parce que je suis touché. Parce que je me suis dit... François Landry. Oui, je me suis forcé pour toi. Pour une fois, je me force pour François. Pour moi. Non, parce que Mathieu, quand il m'a dit, tu viens-tu jeudi pour ta chronique habituelle? Oui, t'as aucun problème. Puis là, je dis, je pourrais faire une chronique normale. Tu sais, chialer contre le gouvernement, comme on est habitué de faire ici à Logocratie. À ça, je me suis dit, non, c'est la dernière des Info. Je vais essayer de relier ensemble ces deux passions de ma chronique. Donc, okay. On sait que Info adore la langue de bois. On sait qu'il aime décortiquer ça. Mais j'ai bien apprécié ta chronique. Pour vrai, là, ouais, c'est justement, c'est vraiment... Donc, je me suis dit, je vais faire une logocratie de mon texte. Et Info adore aussi taquiner Pauline. Ouais. Hein, on sait, Pauline, c'est quand même son dada hebdomadaire. Donc, je me suis dit, je vais prendre un discours de Pauline. Je vais le passer dans un générateur de langue de bois. Hey, wow. Il n'y a pas eu grande différence, mais ça a donné une lettre d'au revoir à Info. Oh. Ok, wow, j'ai hâte aussi. Donc, chers collègues, camarades, voici venue l'heure où tous tes collègues et amis doivent apprendre à se séparer de toi. Aujourd'hui, tu nous quittes pour un nouveau voyage, celui de ton destin. Ta carrière professionnelle au sein de cette belle équipe touche à sa fin. Dans l'existence, tout a une fin, même le plus beau. Mais la fin n'est pas véritablement une fin. Non, elle est le début d'une aventure. Un nouveau départ, un recommencement. Permettez-moi de te souhaiter d'entrée de jeu, FO, beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions, fort importantes pour le bon déroulement de notre société. À cet effet, tu pourras compter sur notre entière collaboration et sur celle de toute l'équipe, que l'on appelle aussi les payeurs de taxes. Le Québec doit miser sur sa jeunesse, l'écouter, l'accompagner, lui ouvrir des portes. Nous devons également nous appuyer sur nos aînés, leur expérience et leur sagesse. Il y a là un signal fort. Nous avons en commun le privilège et la responsabilité de servir la population. Cela nous confère une responsabilité particulière. Nous avons la responsabilité d'agir en fonction de l'intérêt général. Nous partageons cette responsabilité collectivement. La population compte sur nous tous. Agissons de façon responsable. Je reste fondamentalement persuadé que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne entraînera une mission somme toute des plus exaltantes pour toi. L'élaboration d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Et ce n'est pas certain, et ce n'est pas certainement pas vous, mes chers camarades, qui me contredirez si je vous dis que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de tous et chacun. Pas sûr de la comprendre, celle-là. Enfin, je souhaite bon courage à François-Olivier. Merci de m'avoir pompé en me cherchant, de m'avoir pompé en me parlant en bien de Pauline, de me pomper en défendant François Legault et Mario Dumont. Un grand merci, camarade, et bonne tabarouette de chance. Wow, merci beaucoup. C'est très gentil. Écoute, puis si vous organisez des manifs, là, vous me direz, moi j'en ai 36 qu'on peut embarquer dans. Pas de trouble là-dessus. Merci, François. Écoute, c'est vraiment apprécié pour vrai. Écoute, ça fait plaisir. Je suis choyé ce matin. T'as rien compris cadeau. Du discours, mais. Non, mais le début, je comprenais un peu, mais okay. Là, à un moment donné. C'est ça. Là, il a compris, cher camarade. Ouais. maintenant, c'est le moment de mon petit quelque chose que j'ai préparé pour François-Olivier. S'il y a personne d'autre autour qui a besoin de parler dehors, sinon manifestez-vous et ouvrez la porte parce que je veux prendre ce temps-là maintenant si je l'ai, parce que j'en aurai pas ben d'autre temps. Non? 3, 2, 1. Merci, c'est à mon tour. Sans parler pour l'instant, parce que j'essaie de tenir le rôle de modérateur de cette émission-là aujourd'hui. Je veux pas prendre trop de place. C'est l'émission de François-Olivier. Mais je t'ai monté un petit quelque chose, François, dans mes temps libres cette semaine. C'est un retour en arrière. Tu t'es hors de job? Non! C'est pas vrai. C'est malade. Tu sais, au Palmarès, c'est fou. On a une chronique qui s'appelle Un instant classique. Mm-hmm. Et on a amené aussi un instant classique à Assemblage Rookie qui s'appelle un instant classique édition Palmarès. Tu sais, on fait des meilleurs moments de tout. Et je t'ai préparé un petit segment qu'on appelle Un marchand classique. Marchand classique, classique instantanément. Marchand classique, classique instantanément. Voici l'historique presque complète de François-Olivier Marchand à C'est fou 89.1 FM. L'alternative chaque lundi pour un catharsis différent à C'est fou 89.1 FM. L'alternative. Alors bonjour à une autre émission de l'alternative. Ça comme à chaque lundi pour un lundi différent. Toujours. Vas-y. Un lundi différent. Hier, c'était SummerSlam. On va en parler tantôt. Un petit peu de lutte. Ouais, exact. Intro. Exact. Toujours en compagnie de Mathieu. Un petit peu décevant. Hein? Un petit peu décevant. Ben non. En tout cas, on s'en repart tantôt. J'ai quelques consignes à te faire part, mon ami. Écoute, lundi chargé au PlayStation. En fond, on va être avec nous autres. Ouais. Beaucoup de questions à leur poser. Beaucoup de questions à leur poser. Donc, toujours en compagnie de M. Proulx. Et M. Poitras. Oui. Bonjour. Bonjour. Le spécialiste de la lutte. Oui, exact. Qui viendra, dans le fond, nous faire part de ses commentaires du SummerSlam, qui a été fort apprécié hier. Décevant. Non. Totalement décevant. Apprécié. En tout cas, on s'en reparle un peu plus tard. Je pense que t'es tout seul qui aimait. Mais tabarouette. Si tu savais comment j'ai aimé la fin. Donc, écoutez, restez branchés à l'alternative de toujours le lundi de 4 à 6. J'aimerais 6. Ça. Excellent. Donc, merci, les gars. Pas de trouble. Hey, t'as-tu écouté ça cette semaine? Si je l'ai écouté, je l'ai dégusté. La chronique de Scotch, trop bon. Je buvais ses paroles. Hey, les têtus de broue, votre émission cette semaine, c'était Correct. Les têtes boules, les têtes boules. Même pas les têtes boules, c'est les têtes boules. Je trouve que tu écoutes même pas la télévision. Pour tout connaître sur les bières québécoises et importées, ainsi que les scotchs, les têtes boules, mardi 4 à 6. Les têtes boules. Alors, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission intitulée « Les Petits Brous », animée par moi-même, François-Olivier, par Pascal Proux et par Sébastien Meunier. Alors, ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Excellent, excellent. Écoute, on va vous expliquer un peu le concept de l'émission. Juste avant, par exemple, on voudrait remercier, en fond, les gens qui nous soutiennent dans cette émission. C'est sûr que toute l'équipe de C'est Fou, en fait, Mathieu Plante, Alain Lefebvre, Marc Périard, Danny Janvier, etc. Donc, est-ce qu'on parle un peu de notre émission? Ben, l'émission, c'est bien simple. Dans le fond, c'est une émission qui va être consacrée à l'air et les spiritueux, tout ce qui éveille nos papilles gustatives, quoi. Parfait. Bon, on va en apprendre dans cette émission. Écoute, on fait un récapitulatif, je sais pas si ça se dit. Une récapitulation, ouais. C'est un mot rushant, hein? Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est ça de notre émission la prochaine. Dans le fond, c'est simple, les petits brous, 4 à 6 le mardi. C'est une émission sur la dégustation des bières importées, bières québécoises et les scotch. Puis avec de l'art et spectacle à travers tout ça. Bien sûr. Avec une touche de bonne humeur. Ouais. Avec un grain de sel d'humour. Dans votre radio. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Oui, mardi prochain. Même heure, même poste. Dans la même bas de cave. Oh, là, ça, là. Donc, mot de la fin. On vous souhaite une bonne semaine et si vous buvez, buvez prudemment. Hey, Mathieu! François-Olivier! Hey, Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? Il y a plein de garnottes dans notre bureau. Ben depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Rocky construisait notre journée avec des matériaux de qualité, ben je fais livrer un camion de garnottes puis un camion de béton par semaine, c'est juste pour aider, je suis fin de même. Matt. Depuis le temps que t'animes cette émission-là, t'as jamais pensé que les matériaux de qualité, c'était les chroniqueurs puis la musique? Ah, ça a bien du sens comme slogan, ça, hein? Hey, puis toute ta patente, là, ça nous a coûté combien, ça, là? Hey, man, qu'est-ce que t'as mangé à ma tête? Tu sens bon, là? Assemblage requis, du lundi au jeudi de 7h à 9h à C'est Fou. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Les coups de cœur de Stéphanie Gagné dans ton plat favori. Survol des gadgets pour la chronique CNX. C'est à Assemblage Requis, ça commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est 7h14 et mon nom est Mathieu Plante. Mon nom est François-Olivier Marchand. Salut François-Olivier Marchand. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc, nouvelle émission matinale, c'est fou. Premier matin, en fait, on se lève de bonne heure. Oui. On est venu faire de la radio main dans la main. Ah. Avec la joie dans nos cœurs. Donc, ça s'est bien passé ce matin. On va parler de François-Olivier plus tard parce que peut-être que vous reconnaissez sa voix. Il a fait quelques pubs ici à C'est Fou, entre autres. Des pubs, des émissions aussi. Oui, c'est ça. Mais... Et puis, Mathieu Plante, en fait, je pense que tout le monde connaît Mathieu Plante. Je n'allais pas en parler, d'ailleurs. Si vous... Les gens qui écoutent C'est Fou, en fait, connaissent Mathieu. Par défaut. Et on a l'impression de le connaître intime. Ça. Ça veut pas dire que vous m'aimez, mais au moins vous me connaissez. Ça. Ah, j'ai pas dit non. j'ai pas dit que je t'aime. Hey, ouais. Donc, bonne émission, première émission. Ça va bien. Bonne journée. See you. See you later, alligator. Non. Alligator, oui. Tu veux pas que je t'appelle alligator? Non. Tu vois ça qui est autre. Oh. La semaine prochaine, François, tu ne seras pas là. Non, je serai pas là. Et tu seras pas là pour les 5 prochaines semaines. Ouais, t'as pas le droit d'être content. François nous quitte pour un congé de paternité. Donc, ça va être Jean-Philippe Charbonneau qui va te remplacer. Tout à fait. Demain, le maître, sûrement. Demain, le maître. Au revoir. On va tester ma polyvalence à animer avec quelqu'un que je connais pas. On se quitte et on te souhaite un très bon congé. Merci, François. Merci. Merci beaucoup. Congé, un bon congé de moi aussi. Ben, félicitations. Ça a l'air à mériter. C'est comme une semaine de relâche pendant un mois et demi. C'est on se quitte avec The Gas and Anthem pour clore tout ça avec Here Comes My Man. C'est ce que ta copine pourra dire. Voilà mon homme. C'est gentil. Marche. J'ai raté ma fin. Hey, François-Olivier, c'était tes meilleurs moments, les marchands classiques. C'est vraiment fin, hein, de ma part. Oui, c'était super gentil, Mathieu. Et non, écoute, je pense que je ne l'ai jamais avoué sur les ondes. Mais oui, je t'aime, Matt. On finit ça sur une belle note comme ça. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a entendu là, c'est des moments de ta première émission que t'as animée assez fou, l'alternative. Hey, c'était atroce pour vrai, j'ai eu chaud là. Il dit j'espère que c'est pas trop long. Ouais, j'avais un goût de fondre. Ouais, c'est ça. C'était une émission du mois d'août 2008 de l'alternative que t'animais. Je crois que c'était les lundis après-midi ou quelque chose comme ça. L'émission du retour. Ouais, les lundis de 4 à 6, c'est ça. Ce jeudi. Ensuite, les pétudes de brou, ça c'était à l'automne 2009. Dans ce coin-là. Qui était animé avec Pascal Proulx, entre autres. Oui. Ça, c'était un autre 4 à 6. Et puis après ça, ben, on a commencé Assemblage Rocky ensemble. Assemblage Rocky existait déjà. Ouais, ouais. T'étais là avec Iwan. Avec Iwan, exactement. C'est l'après-midi dans le temps. On se rappelle, François Landry était chroniqueur avec nous. Oui, j'ai commencé là. Ben voilà. Et donc, François est arrivé à l'automne 2010 pour animer le matin avec moi. Et c'est François-Olivier qui m'a convaincu d'animer le matin. J'étais vraiment réticent à animer. Mathieu, je te lève tard, hein, déjà, d'emblée. Là, ben, en fait, là, avant que tu commences à animer, tu te lèves tard. Là, je sais plus. Ben, ça doit plus être le choix, non? Je suis un couche-tard naturel, ouais. un lève-tard aussi. Même là, je me lève très tôt, mais je me couche quand même très tard, plus que je devrais. Toi, tu as réussi à te coucher à 9h30 pendant presque toute l'animation. Je me couchais excessivement de bonne heure. Ouais. En fait, ouais. Mais c'est grâce à toi que j'ai accepté le matin. Si ça n'avait pas été avec toi, je vois pas comment j'aurais accepté la nuit le matin. Donc, merci de m'avoir reçu. J'allais te chercher. Merci. c'était le système d'échange qu'on avait. T'sais. Moi, j'aurais jamais fait le matin, donc il m'a convaincu en me disant je venais te chercher. Ouais, c'est un échange de services, si on veut. Ouais. Ben, j'ai beaucoup apprécié animer avec toi. Ah, tout à fait. Écoute, des belles expériences. On a rencontré du beau monde aussi. Oui. On a interviewé des gens intéressants aussi tout au long. En fait, des deux sessions, là, des trous. Non. Ben, en fait, plus que deux ans et demi qu'on a animé ensemble, l'automne et l'hiver, tu t'animais pas l'été. D'ailleurs, le premier été, étant donné qu'on avait jamais animé ensemble, j'avais même pas demandé veux-tu animer avec moi l'été. Je me rappelle de ça, je me suis senti mal pendant comme tout le temps après ça, puis je me sens grand mal. Fait que, t'es pardonné. T'aurais jamais voulu dire oui de toute façon. Ben, je pense pas. Ça sert mal l'été. Écoute, en plus, bon, ici, en fait, on a une condition assez particulière. Là, on tombe sur l'assurance emploi. On travaille 5 heures semaine environ. Ouais, c'est ça exactement. Donc, mais par principe, j'aurais resté là demander puis je m'excuse. Non, regarde, on règle des comptes, là. On règle des comptes, je m'excuse de plein d'affaires, mais je m'excuse pas, par contre, d'avoir apprécié tes bonnes questions, parce que j'ai aimé particulièrement animer avec toi, parce que tu poses des vraies bonnes questions. Moi, j'étais le gars qui savait jamais rien sur aucun sujet, que ce soit le sport, la politique... En même temps, t'es trop fort sur la parole, la rapidité, t'es là. Écoute, moi, on dirait qu'il faut que je pense à... Ouais. Non, mais moi, je suis rapide pour dire des choses insignifiantes, t'sais, des jeux de mots, ça fit tout le temps. Ça met de la légèreté dans la chronique, alors que toi, tu poses des questions importantes. T'sais. Si j'étais pas là, ce serait une entrevue sérieuse et intéressante. T'sais, on se complémente. Ouais, non, ça allait bien pour vrai dans ce sens-là. Écoute, on a chacun pris notre place. Ouais, notre place qui nous revient. Puis bon. Écoute, une belle expérience, sincèrement. Merci, Matt. Merci de m'avoir amené là. Merci à toi de bien avoir voulu animer avec moi aussi longtemps. Ben non, mais c'est réciproque aussi. Plus longtemps que n'importe qui. Animer avec moi aussi. Exact. Ben oui, tout à fait. Et je regrette pas du tout. Et j'apprécie le temps qu'on a passé ensemble. On va se revoir, j'imagine. On va se revoir. Ben, c'est sûr, écoute, aujourd'hui. Plus tard aujourd'hui, la vie ne termine pas. En fait, demain, t'es pas là non plus. Non, c'est ça, mais ça tombe mal, par exemple, parce que là, t'as dit que tu sortais. Mais bon, j'imagine que je t'ai pas invité de toute façon. Ben non, mais viens l'après-midi, quand on va se boire une bière. OK. Puis une, puis deux, puis trois, comme dirait l'autre. François Landry va danser. Oh, shit. Intéressant. Merci de... Ah, d'ailleurs, j'ai encore une photo de toi. Oh! Oui, oui, c'est correct. Une photo comment, ça m'intéresse? Ah ouais? Non, t'es le seul qui l'a vu. C'est non, ben ok, je sais quelle photo et je l'ai vue, mais c'est, je l'ai pas sauvegardée. François Landry déguisé d'une façon... Déminée. Hallucinante. Non, juste habillé. Comment il s'habille la fin de semaine? Voilà, c'est ça. C'est un samedi matin. Samedi matin, bien relax. Je pense à la balayeuse. Mais info, je te garantis qu'on va se reparler parce que je la veux, la photo. Si on essaie de... Avec les gens qui restent autour de la table, il y avait d'autres gens qui ne sont pas présentés. Donc, on va profiter des gens qui sont autour de la table pour peut-être leur demander leur moment préféré de François-Olivier Marchand à travers les années que vous l'avez connu, mettons, à Assemblage Requis ou ailleurs. Votre chose préférée au sujet de François-Olivier? Il est très impulsif, mais naïf. Mais une belle naïveté. Il s'indigne sur des riens, puis des fois, il réagit pas sur des choses majeures. Mais c'est ce qui fait son charme. Là, tu parles de politique. Ben oui, c'est sûr. Mais aussi, l'autre chose que je trouvais agréable avec FO, bon, Mathieu, nous deux, nos chroniques en dehors des ondes, c'est aux toilettes. Oui. C'est là qu'on se rencontre souvent. Ah ouais, vous avez rendez-vous tout le temps. Oui, je pense que notre WC est réglé au même quart d'heure. Donc, dès que Mathieu se lève, je me lève, puis on se rencontre aux toilettes, puis hey, salut, ça va? Oh, oui. On se parle pas, on fait juste dire salut. Mais FO, lui, c'était, dès que je pars prendre ma marche, il est dehors en train de fumer. J'en reviens de prendre ma marche. Il est encore en train de fumer. Ben non, hein, pas tant que ça. Ben là, quand même, oh, là. Hey, ça entend un pique-nique en arrière. Accusation. Ouais, non, ben l'été. Ben l'été, oui. Tu travaillais dehors, c'est ce que tu me disais. Ouais. Donc, j'avais des doutes, mais bon, comme moi aussi, je travaillais dehors, je ne vais pas te stouler. Mais bon, non, c'est vrai, pareil, parce qu'on se rencontrait souvent en dehors des ondes, puis c'était toujours la même convivialité, mais plus sérieux. On se parlait de choses sérieuses, de bon, ta vie personnelle, la mienne aussi, puis c'était vraiment une discussion de gars. Hein? Ouais, vraiment. On ne versait pas dans l'émotion, mais c'était du gars. Tandis que dans l'émission, c'était du sérieux, mais loufoque. Puis c'est ce que j'aimais avec toi. Des histoires de pompe et de... Ouais, ben c'est un schizophrène radiophonique, donc il y a deux personnalités, en ondes et en dehors des ondes, puis c'est ce qui est agréable. C'est là qu'on découvre que la personne est vraie. Elle joue pas une game. Donc c'est ce que j'apprécie de toi, FO, puis... Si, écoute... Moi, en fait, je t'ai connu en 2010, à peu près, ben, quand t'as commencé ici, puis que j'étais déjà dans la chroniqueur... Avant, on se croisait. Je savais qui t'étais, ouais, c'est ça, mais je te trustais pas, parce que tu t'occupais du marketing. Ah. Moi, le marketing, je déteste. C'était le gars des pubs au départ. Le gars des pubs, il va chercher du cash. je sais pas. T'es en admin, puis... T'as des préjugés. Oui, j'avais des préjugés envers toi. Mais bon, j'ai découvert un être assez génial, faut le dire. Moi, là, j'ai hâte que François Landry soit premier ministre. J'ai vraiment hâte. Non, mais sincèrement, écoute, je sais que ton cheminement est vraiment politique. Écoute, je te souhaite succès, parce que j'imagine qu'un jour, la vie va t'amener là. Écoute, je le souhaite pour les biens, pour le bien, en fait, des électeurs aussi. Parce que, t'es formidable, puis sincèrement, si t'es dans mon comté, je vais voter pour toi, je te l'avoue. Mais si t'es pas dans le mien, pas sûr de m'en voter pour toi. Tu vas quand même, je vais quand même voter pour moi, mais frauduleusement. Il va déménager, quoi. Non, mais écoute, bonne chance dans tes projets. Écoute, bonne chance à la GE ici. C'est ton poste, c'est tes priorités. Formidable. Écoute, merci, puis bonne chance. On va s'en voir, c'est sûr. Facebook, sinon. On s'enverra des petits chats. Des petits chats. Angélie, je vais t'envoyer ta photo. Ils vont me pleurer. Ouais, c'est vraiment triste. J'ai vraiment les yeux pleins d'eau. Je suis comme fou d'émue. Info. Moi, ce que j'aime, c'est tes petits pieds. Parce qu'on en a vraiment parlé souvent. J'ai pas des petits pieds. Toi, t'as des gros pieds. Non, c'est toi qui as des petits pieds. Mais bon, pour aujourd'hui, je vais accepter que c'est moi qui ai des gros pieds. Là. Mais Angélie, écoute, je t'interromps comme ça. Mais j'ai des compliments à dire. Quelque chose. OK, ben vas-y. Non, mais j'ai appris à connaître un ami avec la radio. En fait, oui, tu m'as interviewé à la base pendant les élections. Je t'ai appelé Angélie. Ouais, c'est ça. Ça avait bien commencé pour qu'on devienne amis quand même. Là. Puis c'est là qu'on s'est connus. Puis après ça, ben tu m'as invité à venir faire une chronique. Puis on a appris à se connaître. On est allé voir des shows ici au 10-12, à Chasse-Galerie. Puis, en fait, là, écoute, je t'interromps parce que oui, ça fait deux fois. Ça me vient sur le chêne. Mais écoute, j'ai vu vraiment, en fait, une dame, au début, qui s'impliquait plus ou moins, qui était au début de son implication. Et en fait, là, t'es tellement impliqué, écoute, et c'est formidable. Écoute, ça prend des gens comme toi à l'université. Ça prend les gens, faut qu'ils s'impliquent. Et en fait, c'est ce que tu fais. Et d'autant plus, en fait, que ça affecte même ton apparence physique, ton implication. Non, mais c'est vrai quand même. Et ça, c'est pas tout le monde qui le ferait. Sincèrement, écoute, t'es une bonne personne. Oh. Puis, ça prend des bonnes personnes dans la vie. Je suis vraiment émue. C'est moi qui faut qu'il fasse pleurer. C'est moi qui pleure. Mais non, mais... vivre ça de l'autre bord. Non, mais c'est vrai. Puis, sérieux, écoute, c'est de ça que je vais m'ennuyer ici. C'est de toutes vous autres. C'est que chaque personne... Puis, tu sais, oui, on a tous nos défauts. Là, puis, tu sais, il y a des journées où tu t'entends moins bien qu'une personne. Puis, c'est normal. Dans la vie, c'est comme ça. Mais... chacun a comme des forces, chacun ici. Puis écoute, je vous avoue, je suis comme confortable là-dedans. Char, ça me fait peur, écoute, mais je vais toujours penser à vous autres. Vous êtes comme... C'est comme ma deuxième famille, là. Je passe 40 heures ici, là, à travailler ici, là. Pour vrai, c'est énorme. Je vais vraiment m'ennuyer, pour vrai. Je sais pas quoi dire. J'ai goût de m'en aller. Ah, il reste pas grand temps. On a presque fini. Jean-Philippe, tu connais pas François-Olivier depuis. Vas-y, Anne-Julie. Oui, excuse-moi. Je voulais pas te prendre. Mais merci à vous pour ce que tu as dit. Puis moi, ben, je voulais te dire merci. Puis c'est sûr, merci aussi à Mathieu de m'avoir laissé une chance à la radio. J'aime vraiment ça, faire les chroniques ici avec vous. Ça va me manquer que tu sois plus là, mais je vais m'habituer au nouveau co-animateur. Je vais t'écouter. Et JP, là, vous êtes en bonne main aussi, là. Mais... avec Mathieu, écoute. Le DG, on sait pas, mais pour le poste de co-animateur, on sait que c'est en bonne main, j'en ai fait. Mais bref, merci. Puis merci. J'espère qu'on va continuer à y faire du ski. Écoute, on va être encore amis. Génial. Donc, j'allais dire, Jean-Philippe, tu connais pas François-Olivier depuis énormément longtemps. Ben, je te fais un câlin. Oh, écoute. Oh, c'est beau. C'est moi qui accueille de tout ici parce que je suis entre tout le monde. Ben oui. Mais oui, exactement. C'était mon introduction que je connais pas tant Olivier depuis longtemps. Surtout pas à surtout son nom, tu le connais même pas parce qu'il vient d'appeler Olivier. C'est rare que les gens l'appellent Olivier. Oui. C'est vrai, François-Olivier. Mais je pense que j'ai murmuré puis j'ai le nez qui coule en plus. J'ai trop pleuré, si on veut. Mais ouais, je me souviens. C'est ça, surtout que je le remplace pendant qu'il est pas là à Assemblage Requis. Fait que j'ai pas de fait cocasse, moi, à Assemblage Requis. Vous avez pas vécu de moment ensemble à part aujourd'hui. Fait qu'on pourrait faire un flashback à plus tôt dans la journée. Oui, c'est ça quand j'ai dit bon matin. Tu sais. Oh, c'était bon. On a l'extrait d'ailleurs. Oui. Bon matin, mais François-Olivier. Merci, bon matin, JP. J'ai des problèmes de chance. Fait que, ouais, c'est ça. Je me souviens de la première fois que je t'ai rencontré. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, je suis rentré dans ton bureau, tu sais, dans le temps que t'en avais un, là. Ouais. Puis, je t'ai dit, salut, c'est moi qui vais m'occuper des soirées cachées. Ben, je reviendrai te voir quand je serai prêt. C'est vrai? Non, c'est vrai, ça ressemblait à ça. Puis, écoute, sincèrement, pas que je vais reprendre le compliment d'Anne-Julie, mais les soirées cachées, écoute, tu sais, c'est bénévole, c'est de l'application, c'est du parascolaire, c'est beaucoup d'obligations aussi, ouais. Des responsabilités. Ben oui, ben écoute, c'est ça, lui aussi, il me coupe. C'est comme ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le droit. Les compliments, il aime pas ça. Ben oui, je m'en allais te faire justement des compliments, puisque c'est là-dessus que je peux te complimenter, puisque je pense que Magali Julien aurait aimé ça, que je te dise un gros merci. Ça en vient là, pour justement la soirée cachée de ce soir. C'est elle qui a parti, qui a vraiment fondé l'événement, dans le fond, des soirées cachées. C'est toi qui as cru. C'est grâce à toi, dans le fond, qu'on peut être rendu là maintenant. Là. J'ai la chance. Sa conviction était assez contagieuse. Ouais, vraiment. J'avais comme pas le choix. Bon, OK, t'as peut-être séquestré pendant un an, pendant un petit bout, pour avoir un oui. Mais bref, t'as quand même cru au projet, chose que c'est pas tout le monde qui se serait jeté là-dedans, en disant, ben, tu sais, on a un projet vraiment un peu flyé, puis qui sort des sentiers battus. Cette année, c'est moi qui ai la chance d'être responsable du projet. On l'a amené, je pense, assez loin ensemble. On a eu bien du fun. Il y en a une ce soir, d'ailleurs, je vais me plugger. Une ce soir, eh oui. Oui, on a de la business à faire, c'est vrai, on a des choses que j'avais à cocher pour commencer la révélation du groupe qui va jouer ce soir. Ben ouais, est-ce qu'on fait ça là? Ou tu veux qu'on... Ah ben écoute, tant qu'à parler des soirées cachées, je sais pas si vous avez vu, j'ai amené mon cube Rubik. Oui. Est-ce que quelqu'un fait un lien? Bon, c'est sûr qu'ici, moi, je suis pas capable de faire ça. Non, mais en fait, ce soir, on a une première soirée cachée d'édition 2013 qui aura lieu dans le hall d'entrée du pavillon Pierre Boucher. Donc, chaque jour, cette semaine, on a dévoilé une petite surprise, un petit fait caché, dans le fond, de cette soirée. On a commencé lundi par dévoiler le Pierre Boucher. Hier, ben, en fait, mardi, je me mêlais dans ma semaine. Mardi, on a dévoilé la première partie qui sera Olivier Lessard. Il est étudiant ici à l'UQTR, inscrit également à UQTR en spectacle. Donc, il va nous assurer une prestation d'environ 15 à 20 minutes. Il est très bon. J'étais là lors des auditions au QTR en spectacle. Ça vaut la peine. Et puis, mercredi, on a dévoilé une grosse nouveauté, coup de théâtre. On va avoir on a un permis d'alcool pour celui-là, puisque rien de mieux que d'écouter un bon show avec c'est du bon travail, là. C'est du bon travail. L'alcool au Pierre Bouger. Ouais, bravo! Bravo! Oui, grande réussite. On est bien fiers. Donc, justement, je vais en profiter quand même pour remercier l'SAE, Martin Lambert, là, qui croit également au projet et qui nous pousse. Qui fait confiance aussi. Oui, puis qui réussit à nous faire des liens là, qui nous permet, dans le fond, d'aller là. Et aujourd'hui, on est jeudi, c'est le moment de dévoiler le groupe. C'est aujourd'hui que ça se passe, là. C'est ce soir. C'est ce soir, oui, c'est ça. C'est à 22h, j'ai oublié de le dire. Donc, 22h, Pierre Boucher, dans le hall d'entrée, c'est en face du 1006, la classe, dans le fond, du Pierre Boucher. Et puis, c'est un groupe ici qui est dans le palmarès. Il y en a 40, là, fait que... Ouais, c'est ça. OK, palmarès francophone. Il y en a 20. Il est dans le top 5. Il y en a 5. Il est dans le top 4. Top 4? Il est dans le top 3. Il est dans le top 2. Ouais. Voilà, la semaine passée, il était top 2 ici au palmarès. C'est fou. Donc, c'est Alinéa qui sera avec nous ce soir. Une formation complète. Là, il arrive d'ailleurs de la Bourse Rideau à Québec, directement de là. Donc, on va avoir le plaisir de les avoir en spectacle. C'est gratuit. C'est vraiment le fun. C'est intime. Il y a un bel échange. Donc, je vous invite ce soir, 22h, dans le hall Pierre Boucher, c'est en face 2006. On va se quitter d'ailleurs avec une pièce de Linéa tantôt que je vais dédier à François-Olivier parce qu'elle s'appelle Mutation, puis lui qui se fait muter ailleurs. Le temps, par contre, de faire encore quelques business. Hein. On a des choses à régler là, parce qu'on a repoussé. Puis je sais que François, faut que tu t'en ailles. Je sais qu'on prend vraiment. Je suis en retard. Dans 9 minutes, sais. J'ai comme un rendez-vous. OK. À l'autre bout de la ville. Juste dire deux messages que j'ai reçus sur Facebook de gens qui se sont pas présentés aujourd'hui, mais qui quand même voulaient te dire au revoir. Xavier Antoir. Xavier. Dit de te transmettre ses amitiés et de te souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Merci, c'est Xavier. Merci. Très gentil. Oui, et il y a Alexandra Carignan aussi qui voulait que je te dise un beau bonjour et un merci de m'avoir accueilli et tout. Ça. Formidable. Merci. Stéphanie Paradis aussi, je sais qu'elle voulait faire un petit quelque chose. Donc voilà. Véronique aussi. Véronique, j'ai reçu par message texte. T'as parfois t'arrêté. Écoute, Facebook ne suffisait plus. Ils ont été obligés d'envoyer des messages texte à moi. Donc elle t'a dit bonjour, elle va passer. Peut-être te voir en ronde. J'imagine que Michel Lebrun aussi, tous les autres chroniqueurs, te souhaitent très, très bonne chance dans ton nouvel emploi. Génial, génial. Et écoute, si ça vous tente, demain, en fait, là, prendre une bière l'après-midi, là, je me le permets. Chasse galerie? Ouais. Parfait. Cool. Ça vous tente? Et sinon, une autre... donc, c'est ça. Faut terminer à un moment donné. Merci à François Landry. Merci à Anne-Julie Durocher. Oui, merci. Jean-Philippe Charbonneau. François-Olivier, merci à toi. Merci, Mathieu. Jasmine Raymond-Réville, David Ferron. Qu'est-ce que j'oublie? Simon Fitzbé. Simon Fitzbé, Karine Tardy. Mathieu Lodeau. Jean-François Veilleux et son collègue. Dont le nom m'échappe. Oui, puis Mathieu, merci à toi. Puisque t'as eu l'idée, t'as chapeauté ça. Ouais, tout à fait. C'est une très bonne idée. Je suis vraiment content. Ok, merci Mathieu. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. On se quitte avec le concours des vinyles parce qu'à un moment donné, on disait dans la pub d'écouter l'assemblage requis puis on l'a pas fait. Donc, on se quitte avec Olinéa et pendant la pièce, je vous invite à nous téléphoner au 819-376-5183. On a deux paquets de quatre vinyles à vous donner. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a Smoke and Jackal. Je sais qu'on a The Neighborhood, The Vaccines. Puis un paquet d'autres choses. Je le connais pas, celui-là. Calvin Harris est là. Donc, un paquet de vinyles à vous donner si vous nous téléphonez maintenant au 819-376-5183. Passez donc une très belle fin de semaine. Je peux pas gagner, moi. Hein? Tu peux pas gagner. Tu peux demander à quelqu'un d'appeler pour toi, par contre. Ah, OK. Parce que Landry, il est rendu avec un cellulaire, là. Parce que c'est des crissement beaux paquets. J'aimerais savoir un paquet de même. C'est... Oh! Un paquet cadeau. Ça me suffit. C'est là-dessus qu'on se quitte. Bonne fin de semaine. Hey, merci, bye, merci. Bye. Bonne chance. Bonne belle continuité. Bonne chance à toi. Vous écouter. Yes. Vous écoute. Merci François. Bon rendez-vous avec les vérificateurs financiers. Merci.